Ici Shelly de Musique Plus. Vous écoutez Rétro Nouveau. Rétro Nouveau. Bonjour et bienvenue au 19e épisode de Rétro Nouveau. On est de retour après un épisode qui a été pas mal rough ses oreilles. Assez rough. Ben, pas rough sur les oreilles parce qu'on m'entendait pas, donc c'était plus doux pour les oreilles, mais c'était un petit peu plus difficile là, à écouter, là, ça, ouais. J'avoue. Mais là, ça devrait être bon. Là. On a fait les settings, on s'est regardé dans GarageBand, on a tout checké. Oui. On a fait des tests, là. On a checké ça pas mal de proches parce que c'est ça, la semaine passée, toi, t'étais tellement relax avec ton nouveau micro. Ben, avec mon nouveau micro puis ma King Can de la BAT 50, là, ah ouais, ton litre. J'étais rendu vraiment loin du micro à un moment donné. Puis... je checkais pas ça aller. Ben, encore une fois, je suis vraiment désolé. Mais merci quand même pour tous vos commentaires. Ouais. Car, malgré tout, il y a des gens parmi vous qui ont apprécié l'épisode. Ouais. On est très contents de ça. Non, on vous trouve super courageux. Vous êtes très courageux. Une heure et demie nous là, au montage, de son dans le tapis, puis les jingles qui n'étaient pas au même niveau, puis ça, oh boy, oh boy. Ah, c'était tout croche. D'ailleurs, cette semaine, on a des nouveaux jingles. Oui, vous allez entendre ça tantôt. Ouais. On a travaillé un petit peu là-dessus, puis on est bien ben excités, puis on pense que vous allez être bien excités, vous autres aussi. Ah ouais, ça, on en est sûr. Fait que on va commencer ça tout de suite. À quoi t'as joué, toi, dernièrement? Ben, avant de commencer avec mon premier jeu, je veux juste revenir deux secondes sur mon fameux Sega Saturn. Oui. J'avais dit que j'aurais à me battre au pawn shop pour aller l'échanger, parce que j'avais plus mon reçu. Mais finalement, les gars, ils ont été cool. Il y en avait deux là-bas. Okay. Moi, j'en avais un, puis il en restait un autre là-bas, puis ils me l'ont échangé direct de même, sans poser de questions. Donc, le nouveau fonctionne. Oh. Je suis très content. Nice. Puis, j'ai pu jouer un petit peu à Astal, le jeu que j'ai acheté pour ça. Ouais. Mais j'ai pas joué assez encore. Je vais y revenir plus tard. OK. Mais donc, si vous allez dans Hochelaga, au Banco, coin Valois, ben, proche de Place Valois, puis que vous voyez un Sega Saturn, achetez-le pas. Le drive, le CD marche pas. Le gars, il l'a remis sur le rack, là, direct de même. Aïe. Sans poser de questions. Là, c'est ça démontre aussi à quel point il n'y a pas d'expertise pour beaucoup de monde dans le rétro, vraiment. Là. Non, vraiment. C'est rare. Ah, absolument. Puis même, il était rentré même pas comme une console régulière. T'sais, il a été vendu en tant que divers. Donc là, il ne pouvait pas le retrouver dans le système à cause de ça. T'sais. Ah, donc, ça faisait longtemps que ça dormait là, en fait. Je suis bien content d'en avoir sauvé une. Là. J'aime contribuer à la sauvegarde des jeux vidéo rétro. Donc, mais là, tu contribues aussi à son déficit parce que quelque part, il y a quelqu'un qui va se pogner une console. Ouais, ben le pire, c'est que j'ai envie de retourner l'acheter et dire je sais qu'elle marche pas ta console, puis je te l'achète 10$. Je vais la faire réparer pour 20$, puis je vais avoir une console pour 30$. Ça se pourrait, là. Mais en tout cas, pas tout de suite. Là. Cette année, j'ai décidé que j'ai essayé de slacker un petit peu sur les dépenses parce que je dépensais pas mal. Là, sac, oui. Novembre, moi, je te checkais aller. Tu t'achètes du rétro puis tu dépenses plus que moi à nouveau. Ben c'est ça. Puis j'ai pas le temps de jouer jamais à tout ce que j'achète. Donc là, vu que cette année, on change un peu la formule, puis nos critiques, on les fait plus sous forme de discussion qu'en point form, comme on dit. Là. Puis qu'on est plus relax par rapport à ça, ben ça me permet un peu de jouer à tous mes jeux que j'ai achetés, tu sais, puis je vais relaxer avec ça. Là. J'en ai un bon paquet, donc du contenu à venir là, pour au moins 3 ans. Ouais, c'est ça. Il y a qu'un petit coup dans un pawn shop bien vite, puis on va être bon pour 3 autres années. Absolument, absolument. Donc, je vais commencer ça tout de suite avec mon premier jeu. Puis tu y as joué toi aussi. J'ai été surpris. C'est Choplifter à HD. Oui. Sur le PlayStation Network. C'était le démo, là, en fait. Donc, moi, j'ai fait le saut quand j'ai vu ça là, dans les nouveautés parce que c'est un remake, ça. Vous savez, Choplifter, c'est vieux là, comme la Terre. Là. Ah oui, vraiment. Ça a commencé. J'ai joué à ça sur Commodore 64. Ah oh, oui, toutes ces vieilles consoles-là, là, le ZX Spectrum, l'Amiga, une coupe d'Atari, c'est un jeu d'arcade à la base, là, mais ça a été porté sur toutes ces vieilles consoles-là. Donc, j'étais curieux de voir si ça allait respecter ce que Choplifter est, tu sais. Ouais. Ah, y en a eu un aussi sur le Super Nintendo, Choplifter 3. Oui, c'est vrai. Mm. Puis c'est Choplifter, c'est pas un jeu d'attaque. C'est surtout un jeu où est-ce que tu sauves des gens avec ton hélicoptère. Mais t'attaques aussi. Mais t'as de l'attaque aussi à faire, c'est ça quand même. T'as des attaques, mais habituellement, c'est pas le but principal de tes missions. Donc, le but de tes missions, c'est aller chercher le monde, puis les ramener à la base sains et saufs, là, finalement. Donc pour ça, c'était respecté. Aussi la façon dont l'hélicoptère se tourne aussi complètement à droite, à gauche, au centre. Au centre, c'est ça. À l'autre Les bases ont été respectées. Moi, c'est ça que j'ai trouvé cool. Ça a été respecté. Puis, tous les autres petits trucs aussi, comme aujourd'hui, c'est encore plus facile à respecter vu la technologie. Là, mettons, tu as des gens que tu sauves qui sont dans ton hélicoptère. Si tu te fais tirer dessus, ça peut tuer du monde qui sont à bord de ton hélicoptère. Exact. Manque de gaz et puis tout ça. Donc, pour tout ça, c'était bien correct, mais je sais pas, j'ai pas embarqué ben. Moi non plus. Non, hein? Non, moi j'ai pas embarqué, mais moi c'est. Moi je pense que j'ai pas embarqué à cause du visuel. Ouais. Je trouvais que c'était dark, là. Tu sais, je trouvais que c'était sombre. On voyait mal les ennemis. Des fois, je me faisais Les ennemis tirer sont dessus, très je savais petits. Pas c'était où, hein? Ouais, ouais. Puis c'est vrai, ça. T'as un viseur, là, laser rouge. Ouais. Mais tu vises les ennemis avec ça. Ça va mal. Mais ça va mal. C'est brouillon un peu, là, comme façon de tuer le monde. Puis tu réussis à les tuer pareil, tu sais, mais. C'est ça. Tu les lockes pas jamais tant que ça. Tu balayes l'écran avec ton. Non, c'est ça. Tu sais pas trop ce que tu fais, finalement. C'est ça. Et moi, dès que j'allais chercher des prisonniers, mais des esclaves. Ouais, du monde mal pris, là. Quand j'allais chercher, j'ai ramené à la base tout de suite avant d'attaquer les autres parce que je trouvais que d'attaquer les autres avec des passagers, ça allait super mal. Je savais même pas ce que j'attaquais, tu sais. Ouais. Je trouvais que c'est ça. Je trouvais que c'était sombre, mais je trouvais que les contrôles, tout ça, ça fonctionne au bout. Oui, ça fonctionne bien. Je les ai comme maîtrisés assez rapidement. Oui. Puis, mais c'est ça, j'ai trouvé ça un petit peu sans but, là, tu sais. Ouais. Dans le temps, c'était correct de ne pas avoir de but. Aujourd'hui, tu sais, un petit, je sais pas, des buts de plus. Mais non, j'ai trouvé ça un petit peu plat. Puis, mais ce que je trouvais de le fun, par exemple, c'est que le pilote, il parle, tu sais, il se parle entre eux. Il y a un pilote et un copilote. Puis, mettons, tu accroches ton hélicoptère à quelque part, tu dis, hey, c'est-tu la première fois que tu chauffes un hélicoptère, tu sais? Ben, mais c'est ça qui est drôle, c'est que je trouve qu'il y a de l'humour dans le jeu. Oui, il y a. Puis, pourtant, quand tu le regardes, c'est super dark, c'est apocalyptique, tu sais. Ouais, c'est le bordel, là. Tu es dans une ville ou tu es au-dessus d'une jungle, là, du Vietnam, genre. Là, non, des fois, c'est comme un bidonville, là, puis... Ouais, puis ça brasse, tu sais, ça serait supposé être terrible, mais non, ça se compte des jokes, tu sais. Puis quand l'hélicoptère part au début, il y a un petit clairon, là. Parce qu'avant, c'était le jour, le ciel est bleu, il y avait du petit sable en bas. Tu voyais très bien tes ennemis en bas. Mm. C'était simple. Moi, j'aurais fait ça comme ça à la place. J'aurais plus, tu sais, peut-être un 2D, 3D, mais... 2D pareil, tu sais. Ouais. Tu fais de quoi juste avec un certain relief, là, puis ça finit là, tu sais, un peu comme... Desert Strike. Ouais, Desert Strike. Ben, même, tu sais, Bionic Commando Rearm, la façon que c'est fait, tu sais. 2D quand même. C'est 2D, c'est juste, c'est des modélisations 3D, mais t'as l'impression de jouer à un jeu en 2D. Ouais. Moi, c'est de même, je l'aurais fait, parce que là, tu sais, t'as l'impression qu'il y a une profondeur. Il y en a une profondeur, mais tu y vas pas. On dirait que tu serais supposé y aller. Mais tu peux pas y aller, t'es tout le temps au premier niveau, là, tout le temps. C'est ça, direct dans ta face. Puis des fois aussi, c'est vrai, j'ai remarqué que des fois, t'as des ennemis qui sont comme plus profonds ou plus avancés, mais tu tires, puis tu vas les pogner pareil. Ouais, ben il faut que tu tournes de face, il faut que l'hélicoptère nous fasse face à nous pour tuer ces ennemis-là. Mais, J'aime pas ça, en tout cas. Moi, c'est ça, j'ai essayé le démo, puis j'étais comme... Yeah, je download de démo, c'est sûr, je l'achète. Ouais, moi, avec, ça, je pensais avoir un titre un peu d'action ou quelque chose. Mais ils ont respecté ce que c'était, mais peut-être ça n'a juste plus de raison d'être aujourd'hui, ce jeu-là. Dans le temps, c'était génial, là. C'était beaucoup de choses, aller chercher du monde, pas te faire tirer, les ramener à la base, tuer du monde. Tu sais, sur l'Atari, on s'entend, 7800, c'est beaucoup de beaucoup d'action. Mais maintenant, refaire juste ça, tu sais, ça. Non, c'est certain. Mais il y a des choses que j'ai vues à la fin du démo. Je sais pas si t'as passé au travers. Mm-hmm. À un moment donné, il y a des zombies. T'as comme un hôpital là, loadé de zombies. Ouais. Là, tu te fais le ménage, tu tires dans les zombies. Ça, c'est un petit quelque chose de plus qu'ils ont ajouté. C'est ça. J'ai trouvé ça le fun. Puis il y a des easter eggs ou des trucs comme à un moment donné, Super Meat Boy apparaît. Puis il faut que t'ailles le chercher. Hein, ça, j'ai pas vu ça d'abord. Vu ça? Ouais, je l'ai pas fini d'abord. À la fin d'abord, du démo, il t'en montre là, tout ce qu'il peut y avoir dans le jeu. Puis là, à un moment donné, il y a des gros tanks, tu sais, puis toute la grosse affaire. Ça a l'air d'être pas mal plus d'action, plus que t'avances, par exemple. Faudrait peut-être y donner une chance. Ouais, c'est ça. Mais à mais 15 d'habitude, un démo, c'est supposé être fait pour ça. C'est supposé te convaincre d'acheter la version complète. Et je trouve qu'ils nous font faire des affaires plates dans le démo. Ouais. Ça m'a pas donné le goût. Non. Puis je sais, je le vois qu'il y a de l'action plus tard, mais pour 15$, là, j'ai vraiment pas le goût d'aller voir qu'est-ce que peut-être ça peut être c'est ce jeu-là. Puis moi, je suis allé voir le trailer par la suite, me dire, ah, peut-être plus loin, tu sais, parce que j'ai pas fini le démo comme toi. Ouais. Ben, je m'en rends compte maintenant. Ouais, c'est ça. J'étais sûr que j'étais rendu à la fin, puis finalement. Non. Ah non, ça coupe sec, là, à un moment donné. Quand t'es dans les zombies sur le top de l'hôpital, faut que tu te défendes un hôpital. Là. Okay. C'est là que moi, ça l'a arrêté, en tout cas, mais d'un coup. Là. Ben, moi, j'ai checké le trailer, puis ça donne pas plus le goût. Non, là, c'est ça. Je pense que. On va le laisser passer. Match of Leader, là, ouais, on va le laisser passer, celui-là, ouais. C'est dommage. Puis moi, c'est ça, cette semaine. Entre autres, c'est ça, il y en a probablement une couple de vous autres qui ont vu que. J'allais faire à Bobo's Big Adventure à Monsieur Net. Ouais. Finalement, je l'ai pas fait. Ça a été remplacé par un autre jeu. Puis moi, je voulais en parler un peu. Je sais que toi aussi, tu as joué dedans. Ouais. Puis moi, c'est ça, c'est ce jeu-là. J'ai trouvé ça vraiment, génial à cause de toutes les références qu'il y a là-dedans. C'était écœurant, mais aussi le gameplay solide, là. Oui, c'est correct. C'est tordu aussi, là. Tu sais, ce qui se passe là-dedans, là, vraiment, comme t'arraches des têtes ouais, de monde, tu manges la tête, après ça, tu prends le corps puis tu le tires sur le monde, ouais. Tu sais. Puis t'as un tableau où est-ce que t'es dans un donjon de Zelda, là, ouais. Zelda 1, puis la map en haut est en forme de pénis, là. Ouais. Tu sais, de la gratuité. Ah ouais, vraiment. Il y en a plein là-dedans, Crime. Ah, la façon que tu rentres dans le tableau de l'eau avec Mario, tu sais. Ouais. Faut que t'aies la diarrhée, là, genre une espèce toilettes, de chiasse, t'as là. La diarrhée, ça te lève plus haut, puis après ça, tu tires sur une petite corde ouais, pour te faire descendre dans les toilettes, tu sais. C'est n'importe c'est quoi. C'est n'importe mais quoi. Mais c'est ça qui est drôle. Ah ouais, vraiment. Mm. Mais moi, j'aurais aimé ça avoir. Il y a une manette qui est une manette de NES. Ouais, tu peux jouer avec ta manette USB. NES, mais ça te prend un adapteur USB. Ouais. Mais là, Mais c'est ça qui est plate, c'est que j'ai lu sur Internet que ça prend vraiment la manette qu'eux autres vendent sur le site. Oui. Ah, je pensais c'est que j'avais vu, moi, qui disait qu'on pourrait prendre n'importe quelle manette de NES. Supposément, non. Parce que même, j'ai un ami qui a essayé avec une manette de Xbox USB, puis ça n'a pas fonctionné. Ouais, ben ça, je pense que non. Je pense que ça marche juste avec l'adapteur et une manette de NES. Là. Mais c'est ça, mais on dirait que c'est vraiment l'adapteur. On dirait qu'il y a de quoi de précis pour jouer à ça. Ouais, ouais. Parce que moi, c'est peut-être la seule affaire. Quand j'ai un jeu sur un browser. Ah, je déteste jouer avec un clavier. J'ai de la misère, mais tu sais, pas juste le clavier, c'est juste aussi la configuration des affaires. Moi, des fois, j'aimerais ça pouvoir décider, tu sais, genre ASDF, tu choisis. Ouais. Tes clés pour avoir ton mouvement à gauche puis tes boutons à droite, comme sur une manette. Là, avoir les boutons à gauche puis la manette à droite... C'est vrai que ça faisait bizarre, hein? C'est fucké, ouais. Là, ça marche vraiment pas. Puis quand le deuxième tableau, tout de suite, t'es dans l'eau, là, à Mario... Ça, c'était épouvantable. C'est dur, ouais. À cause des contrôles, parce que là, vraiment, tu te retrouves à pitonner sur A, puis là, sur S pour tirer la langue comme Yoshi puis attraper du monde. Mais là, faut que tu te contrôles en même temps. Hey, quand le gros poisson de Megaman, ah, là, il m'a tué, mon ça. Gars, là, et que j'avais de la misère. Ah, moi, je suis mort super souvent, je disais comme « calique de merde ». Juste à cause des contrôles. Ah ouais, moi avec. Puis je m'imaginais avec une manette de NES, ouais, là, puis je me disais, hey, je l'aurais torché ce poisson-là. C'est sûr. Non, c'est certain que ça serait facile, mais là, juste à cause de ça, paf, ça fonctionne pas, tu sais. Mais quand même, c'était très drôle, tu sais. Ouais. Moi, je suis mort dans le donjon de Zelda, puis j'ai pas continué ma game après, là, mais tu sais, je sais, je suis mort pourquoi, puis où, puis tu sais, j'avais plus le temps, là, je travaillais, moi, j'ai joué à ça au bureau, tu sais. Mais quand même, j'ai eu bien du fun, puis je vais y retourner. Mais si vous jouez, moi, c'est ça, je joue présentement, puis je ne l'ai pas terminé encore parce que justement, je joue à petite dose chez nous sur mon ordinateur, puis j'ai ça jouer sur un ordinateur, c'est pour rien que je ne joue pas sur un PC. Si tu veux garder ta game, tu pèses sur P pour le mettre sur pause, puis tu le laisses en background dans ton browser. La musique ne jouera pas, il ne se passera rien. Fait que tu le mets dans un onglet quelque part, puis that's it, parce que sinon. Si tu reviens, il n'y a pas de moyen de sauver ta partie. Mais j'ai vu qu'il y avait une icône Stage Select. Dans oui, mais Stage Select est là si tu es déjà en train de jouer au jeu. Okay. Puis, admettons, tu es mort ou tu as décidé de quitter. Okay. Là, tu peux choisir le niveau que tu veux. T'sais. Ouais. Fait que là, c'est un peu dommage parce que, justement, moi, je suis rendu dans le tableau de après Zelda, tu as le tableau de Balloon Fight. Ouais. qui est très cool parce que ouais, hein. On aime ça Balloon Fight. Ah ouais, nous autres on aime ça Balloon Fight. C'est le fun aussi, il y a des auditeurs qui m'ont fait remarquer qui adoraient aussi la toune de Balloon Fight pour aller chercher un emploi. Ah ben oui, hein, ouais, j'ai entendu ça. Écoute, on est content d'aider le Québec avec nos niaiseries. Aider comme l'emploi au Québec. On n'est pas des ministres, mais au moins on motive. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, Bobo's Big Adventure, c'est un bon jeu, mais c'est ça. C'est un jeu gratuit. Fait que c'est sûr qu'il y a des lacunes quand même. Là, je veux dire, le gameplay est bon, mais des fois, c'est ça. J'ai eu de la misère parfois avec les contrôles. Puis il y a des non-sens aussi des fois, mais en même temps, dans un jeu de même, ben ouais, qui est un non-sens comme tel. C'est dur de le critiquer, tu te dis ben ouais, mais en même temps c'est une satire, fait que ouais. Tu sais pas si le défaut est vraiment un défaut. T'as-tu remarqué à la fin aussi du premier tableau de Double Dragon, quand tu montes dans l'espèce oui, de place, ils ont gardé tu le glitch, ils ont gardé le bug glitch, quand faisais planter. Tu montes en haut, t'es dans un party SNM. Ah, je me suis pas rendu parce que j'avais peur de me rendre, parce que je me suis dit c'est ceux qui vont faire jammer le jeu comme sur le NES. Non, là. Ils ont pas fait jammer le jeu. Ce qui arrive, c'est que quand tu montes, tu rentres dans une espèce de party SNM où le monde se fouette. Pour vrai? Genre, il y a des bonhommes de Double Dragon, il y a Mario qui est dans les airs, qui est comme pendu à des cordes. Okay. C'est super trash. Puis après ça, ils se retournent puis ils font comme private party, puis t'as repitch en bas. Ah, c'est donc bien cool, ça. T'as repitch en bas, puis tu peux rentrer en dedans, puis tu peux après ça aller battre le boss. Okay. Ce qui est le fun aussi, le boss, c'est que si tu... Tu sais, il y avait comme une rampe roulante. J'avais tellement essayé de le tirer en bas. Moi, je l'ai pitché en bas. OK. Puis après ça, une fois que tu le tires en bas, il ressort avec un esti de gros vaisseau, puis il fait comme « Gotcha! » Puis là, wow. Justement, t'as un achievement pour ça, parce okay. que t'as essayé de faire ton smat, mais il sort pareil, c'est encore plus redoutable. T'sais. Fait qu'ils ont comme pensé à toutes les petites affaires qu'on faisait dans ce temps-là, parce qu'on l'a toutes faites. On l'a toutes faites. On a toutes vu les petits glitchs qu'il y avait, puis les petits problèmes. T'sais. J'ai bien aimé la passe aussi dans le deuxième tableau. De Ninja Turtle où tu te pognes dans les arbres. Ils l'ont pas fait durer longtemps, non. Mais juste assez. En plus, ça brûle tellement comme... gros, tu sais. C'est sûr que tu pognes dedans, là. Ouais, t'as pas c'est le ça. Choix, là, mais je trouve ça le fun parce que c'est comme. C'est plus. C'est vraiment bien dit, c'est un hommage. C'est un hommage. Parce que. Tu te sens pas. Tu sais, ce jeu-là, ça se passe bien, là, je pense. Là, t'es capable de passer à travers ça quand même assez facilement, oh, jouer oui. un petit peu, tu sais. Puis tu te sens jamais comme. Challenger tant non, que ça. Tu sais que tu fais le party quand tu joues à ça, tu sais, t'as des beaux souvenirs, tu sais, puis des jokes, puis tu ris, tu sais, fait que c'est juste le fun là, pour tout ah ça. Ah non, j'ai trouvé ça super le fun, puis en tout cas, essayez-le, c'est gratuit. C'est gratuit. On va en profiter. Ben moi, je vais enchaîner avec un jeu que j'ai acheté finalement après que toi t'en aies parlé, puis oui. vous avez vu sur le blog cette semaine, puis on avait déjà parlé, puis je pense que okay, ce jeu-là oui. va devenir un hidden gem dans quelques années. Donc, encore une fois, puis ça va être la dernière fois que j'en parle. J'arrête pas de la ramener avec ça, me semble. C'est Vanquish. Oui. Puis, je l'ai trouvé chez Walmart dans le bac des jeux neufs, mais en spécial. Oui. 20$, pas cher. Mais il était comme l'emballage était un peu mollasse, tu sais. Tu voyais que c'était pas du sérieux, là. Puis là, en le déballant, je me suis rendu compte qu'il était pas neuf, ce jeu-là. Là. Okay. Il a déjà été manipulé, tu sais. Tu vois que le papier est renfoncé un peu à des places, là, tu sais. Oh, yeah. Ça m'a bien déçu. N'importe qui s'en foutrait. Ta copie était-tu graffinée? Non, le CD était okay. correct, mais tu voyais que ça avait été. C'était pas ça neuf. Ça a été manipulé, ça. Là. Ouais, j'étais un peu déçu, en tout cas. Mais ouais, fait que je me suis embarqué là-dedans. Moi, c'est pas mon genre de jeu, tu sais, la guerre de même à la base, là, tu sais, comme courir puis viser puis tuer du monde, là, je suis vraiment nul à ça, là. Puis à jouer à Vanquish, j'étais ultra nul parce que ça va tellement vite, là, tu sais. Vraiment, là. Mais tu pognes le beat rapidement, c'est ça. Faut que tu y donnes une chance. Au début, c'est j'avoue que ça peut être un mais peu. J'avais pas de misère à y redonner ça. Tu sais, j'ai joué, j'ai comme fait un peu le tutoriel au début puis tout, puis juste pour voir aussi si le jeu marchait comme il faut. Mais j'ai pas eu de misère à y redonner sa chance parce que c'est tellement beau. Ton personnage, il est tellement cool. Ouais. Tout l'univers est tellement, tu sais, comme joli, là. Puis ton bonhomme, il est vraiment, vraiment cool. Il est badass. Cool. Il est badass, là. Avec la petite cigarette. Ah ouais, t'as un bouton juste pour fumer une cigarette, là. Tu sais, maintenant, ça tire de partout. Tu pèses sur ses left 1, je pense. Puis son casque, il se lève. Puis là, tu te fumes une cigarette. Tu sais, OK, on repart, tu sais. Juste ça, c'est vraiment très drôle. Ouais. Puis ça m'a surpris aussi parce que c'est le premier jeu que j'entends que ça sacre dans le jeu. Oui, ça sacre énormément. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, le gros dude, là, de, le gros guerrier avec qui on se tient, là, ouais. Comme il essaye de nous tuer, là, whatever. Il dit « What the fuck, man? Ouais. » Ouais, j'ai vraiment fait le saut, là. C'est la première fois qu'un jeu sacre, tu sais. Mais ça fitait parfaitement, tu sais. Ça, ah ouais, c'était carrément. Avec le personnage, tu sais. Il y a une horde d'ennemis qui arrive vers la fin, puis ouais. T'as le gros avec l'espèce de grosse mitrailleuse, il dit « OK, come, motherfuckers. » Ah ouais, il dit ça. C'est ah, écœurant, tu sais. Je dis, tu sais, t'es badass, le plus du temps. Totalement. Puis ton saut qui est beau, là, tu sais, comme tu ressors ouais. Comparé aux autres, là, tu sais, t'es edgy, là, tu sais. Ouais. C'est le fun de le voir. Tu sais, là-dedans, un gros feature, c'est que tu glisses. Ça, glisse c'est à terre, juste débile. Le feeling de glisser puis sacrer ton camp, t'es comme ah je suis donc bien plus hot que ouais. Tout le monde moi ici là, tu sais, puis je fais donc bien ce que je veux là, tu sais. Puis tu tournes puis tu tires partout, ah, tu ouais, sais, ah, c'est juste c'est ça, c'est moi ce qui a fait que j'ai accroché autant, c'est que non seulement le jeu de tir est écœurant, mm-hmm. Mais le combat rapproché aussi fonctionne ah, oui. Super bien. Fait que tu sais des fois tu vois un ennemi au loin. Puis t'es comme, je le mitraille-tu de loin ou je glisse vers lui pour le sacrer à voler, ah, tu sais. Puis quand tu sacres la volée au gars, ben t'as un power suit avec un genre de générateur de puissance ouais. Dans le dos. Puis tu sais, c'est ça qui fait que tu glisses, mais t'en as pas pour toujours. Des fois, tu ouais. Overheat. Mais quand tu sacres une volée au gars, ça prend tout le power de ton saut. Ouais. Tu sais, mais tu y crisses une assiette de volée. C'est tellement vraiment satisfaisant. Puis tu sais, quand il punch tellement qu'il perd l'équilibre par en avant. Là, ouais. Parce que je pense que j'ai vu dans l'histoire que ce saut-là, ce qu'il fait, c'est qu'il accélère tous tes réflexes. Ouais. Là, puis t'es comme un humain comme plus rapide là, à cause de la façon que le saut est fait ou whatever. Oui. C'est bien scientifique, comment est-ce qu'il l'explique. Fait que là, que c'est ça, quand il se met à puncher là, puis à sacrer une volée au monde, là, ah, oh, que de plaisir. Là. Puis là, je sais pas, t'es-tu arrivé, entre autres, sur le tableau que t'es comme sur une espèce de vaisseau. Dans le fond, t'es sur une plateforme volante. Je me suis pas rendu très loin. Okay. J'ai tué le premier boss qui est comme une araignée qui devient un oui. Robot. Puis oui. Là, je suis rendu au deuxième qui est un paquet de scie, là, oui. Un genre de tank plein de scie. Ah, c'est qui est bien. Il se fait bien, lui, quand ben, même. J'en doute pas, mais là, j'avais plus le temps. Il était tard, là, oui. J'ai pas joué beaucoup. Mais je maîtrise vraiment pas encore comme il faut les contrôles. T'sais. Ah, mais ça va comme venir, tirer ouais. En glissant, je sais pas si t'es capable de le faire. Là, ah, je le fais, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Sérieusement, là, le jeu, j'ai commencé à être bon, là, peut-être à peu près au 3-4e niveau. Ouais, c'est ça. Les deux premiers, là, je rushais, j'étais quand. Ben oui, je me faisais tuer, ouais, là, mais beaucoup. Vas-tu réussir, tu sais, c'était long quand même, puis j'embarquais pas au début, littéralement. Là, moi, j'avais vu des trailers, puis j'avais joué aux démos. Puis dans le démo, justement, tu bats l'espèce de grosse bébite gigantesque qui est plus grosse que toi, une espèce ouais. De grosse araignée. T'sais. Fait que juste ça, juste la bataille de boss-là, j'ai fait, c'est exactement mon genre de jeu. Là. Mm-hmm. Mais une fois que je l'ai essayé à version complète, au début, j'ai quand même eu un peu de misère. T'sais. Mais ouais. Avec le temps, tu t'habitues, puis... Ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est j'ai l'impression que c'est comme un jeu hardcore pour les joueurs occasionnels. Oui, moi, c'est pour ça que ça m'a rejoint puis que j'y retourne. Parce ouais. Que les contrôles ou tout ça, même si c'est dur, je sais que je vais être capable de bien les maîtriser assez rapidement. Puis que ça bouge tellement, puis il y a tellement d'action que c'est le fun d'être dans l'action. Ouais. T'sais. Donc, c'est ça. C'est comme un jeu sérieux, mais en même temps, pour les joueurs plus occasionnels. C'est ça. Vraiment comme tu le dis. Il donne, c'est ça, c'est qu'il donne des chances aussi. Il y a des bouts, c'est un peu plus dur, puis oups, ah, t'as une arme là, t'as une arme là. Il y a tout le temps quelque chose qui va t'aider. Évidemment, c'est sûr que si t'es un joueur vétéran mongol qui aime souffrir dans la vie, tu peux le mettre à extra dur, puis ouais. tu vas souffrir, puis tu auras ton fun. Mais moi, j'aime ça jouer à un jeu de façon normale, puis j'aime ça avoir du fun. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis pas ce genre de joueur-là là, qui aime souffrir. Puis non, moi non plus. Là, surtout pour un débutant système. Comme moi dans le genre. Là, j'avais besoin d'être capable d'avancer pour me donner de l'espoir. Ah, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, ce que j'aime aussi dans le jeu, c'est qu'il se réinvente sans arrêt pour ce qui est des tableaux. Il joue avec la gravité, justement. Quand tu es avec l'espèce de plateforme volante que ouais. Je te parle, le monde autour de toi, comme on voit dans le menu principal, ah ouais, ça tourne autour ouais, de toi. Ouais, puis ouais, tu ouais, perds ouais. Un peu. Tu as quasiment le vertige en jouant à ton jeu parce que c'est... Ça s'en va n'importe où. Puis là, un moment donné, tu sais, tu te fais poursuivre par des ennemis. Puis, whoop, il y en a un au-dessus de ta tête. Fait que mm-hmm. Tu te lèves au-dessus de toi, puis tu tires. Ouais. C'est malade. Puis, à un moment donné, il y a même une pente. Le tableau, c'est quasiment une pente là, de, je te dirais, 75 degrés. OK. Puis, il y a des grosses roches robotiques qui descendent, puis qui tombent, puis qui te revolent dessus. Faut que tu te mettes en arrière des murets pour que ça passe à côté. Tu sais, c'est juste, c'est comme impressionner pour impressionner, là, sans arrêt, jusqu'à ouais. La fin. Il n'est pas super long, le jeu, mais comme je disais tout le temps, quand c'est intense de même, tu peux pas mettre ça là, 15 heures. Ouais, non, c'est ça. Et ben, c'est le fun de retourner aussi, je pense, même s'il est pas long, justement. Ouais. Moi, j'aime ça être capable de compléter un jeu, puis j'aime ça y retourner pour peut-être le recompléter encore. Totalement. Quand c'est vraiment le fun, un jeu, ça me dérange pas, pas en tout de rejouer, puis de le refaire, puis de le refaire, là, tu sais. Ah non, c'est je pense sûr, que ça va être ça un peu avec Vanquish. Et aussi, tu t'en gardes un peu pour ta retraite, comme ben, ouais, les c'est jeux ça, je peux pas tout faire non plus. Fait que Vanquish, moi aussi je voulais parler de la démo de Darkness 2. J'en ai parlé un peu récemment sur RetroNouveau.ca. Mm-hmm. J'ai essayé ça, là. J'étais arrivé mardi soir chez nous, puis j'ai testé ça, puis crime que c'est le fun, là, vraiment, là. Quand on parle de jeu de destruction, là, présentement, je vois pas de je vois pas de jeu mieux que ça, là, pour moi, parce que dans The Darkness, pour les gens qui connaissent pas la série, il y avait un premier jeu de ça. Puis t'es une espèce de, t'es un gars de la mafia. Mm-hmm. Puis tu fais un marché parce que ta femme est morte. Je sais pas trop. Ça fait longtemps que j'ai joué au premier. Ouais. Tu fais un marché. Puis là, le Darkness est en toi. Puis ce que ça fait, c'est que c'est des bébites qui sortent de ton dos. T'as comme deux espèces de serpents. Ces serpents-là, ils peuvent agripper des ennemis puis les tuer, les massacrer. Mais ça te fait une armure aussi, là. Oui, ça peut te faire une armure aussi. Parce que c'est un comic book à la base, ça, de Darkness, là, ne l'oublions pas. De Dark c'est Horse. Ça. C'est Dark Horse qui a fait ça, oui. Puis t'avais Witchblade qui était son pendant féminin, finalement. Puis même que je me demande dans les comic books si Witchblade n'est pas arrivé avant. Ah! Mais. Regarde, tu m'apprends de quoi, là, parce que je ne savais pas ça pendant tout. Ouais. Ah, non, c'est cool. ça va ensemble, ça, là. Étrangement, on dirait qu'il n'y a jamais eu de jeu Witchblade, là, tu sais. Non, c'est vrai. Mais c'est ça. Dans Darkness 2, l'affaire, là, dans le premier, c'était bien. L'idée de base était super bonne, mais les mouvements des bébites étaient très statiques. Okay. Tu donnais un coup, là, puis tu avais l'impression que c'était comme un gros morceau en métal qui donnait un coup sur ton ennemi. Tandis que là, ce qui est le fun, c'est que tu peux agripper un ennemi, puis tu l'attrapes avec ton espèce de serpent, puis après ça, avec l'autre, tu frappes dessus, mais comme si tu avais un sabre. Fait que tu peux le sectionner en deux dans n'importe quelle position. Okay. Un peu comme, c'est un peu comme si Skyward Sword rencontrait The Darkness. Okay. Parce que dépendant de la direction de ton joystick, il va le dépecer d'une façon différente. Mm-hmm. Puis aussi, tu peux, admettons, pogner une porte de char puis te faire une armure avec. Okay. Puis pendant qu'il la tient, toi, tu as deux guns dans les mains parce que tu as tes deux mains libres. Ah, ben oui. Fait que tu as quatre bras, serpents. Finalement. Oui, tu as quatre bras. Okay. Fait que là, tu tires comme un mongol avec ton Darkness qui est autour, puis tu peux agripper tes ennemis, retirer pour gagner de l'énergie là-dedans. Tu manges les cœurs de tes ennemis. Ah, ben voilà. Fait que là, t'en as qui s'y est à terre. Tu pognes un cœur, tu mitrailles les autres pendant ce temps-là. C'est tellement hot, là. T'es comme une espèce de machine redoutable, là. T'sais, ouais, c'est... Hein? Et ça bouge, tu sais, y a-tu de l'action là, non-stop là-dedans? Ou faut que tu cherches, y a-tu du puzzle? Non, c'est ça. C'est pas vraiment du puzzle comme tel, mais on pourrait dire ça parce qu'il y a certaines fois où tu vas devoir t'en aller à quelque part, mais là, mettons, t'es bloqué, tu sais pas par où passer. Ah, finalement, faut défoncer cette porte-là, faut faire ci, faut faire ça. Okay. Mais c'est vraiment, à la base, minime. C'est comme un first-person shooter. Là. OK. Sauf que c'est un first-person shooter avec une histoire vraiment puissante. Moi, l'histoire du premier, c'est ça qui a fait que je suis resté au bout. Là. Ouais. Puis dans le deuxième, c'est principalement la même chose. Tu commences la démo, là, puis t'es dans un restaurant de mafiosi. Ouais. Puis toi, ton Darkness, t'as décidé de le laisser de côté, puis t'as décidé de plus y retoucher jamais après le premier titre. Puis là, ben, il y a plein de mafieux qui te courent après, puis qui te mitraillent. Puis là, toi, tu te fais tirer dessus, puis tu te fais massacrer. Genre, t'as toute ta jambe droite est tellement massacrée que tu vois l'os. Okay. Tu te fais traîner par un de tes chums mafieux. Puis tu vois tes pieds. T'as un pied qui est complet, puis l'autre pied, c'est comme des ossements. Puis tu mitrailles des mafiosi. Okay. Puis il y a finalement quelqu'un qui te fait brûler. Ah ben. Là, à ce moment-là, t'entends la voix du Darkness, puis c'est comme, il dit « Feed me! » Puis c'est vraiment violent. Ouais. Fait que là, toi, tu fais comme « OK. » Tant qu'à mourir, je vais remettre mon saut, je vais redevenir correct, c'est je vais aller buter le monde. Fait que tu le reprends, puis là, il se met à dépecer tout, puis c'est violent. Puis t'as aussi, encore une fois, tes amis ghoulies qui vont t'aider. Puis les petits ghoulies dans The Darkness, c'est le fun, parce que c'est eux autres, là, un peu le comic relief du jeu. Ouais. Parce que eux autres, ils vont sortir là, puis c'est comme « Hey, you miss me! » Ils vont faire des pets, ils vont roter, puis ils sont vraiment dégueulasses, des petits Christ. Ils font penser aux Gremlins, c'est le même genre de personnage. T'sais. Fait que un méchant bon jeu. La démo était cœurante, vraiment. Là. Moi, j'ai fini ça, j'ai fait « OK, jour 1, je l'achète ce jeu-là, là, quelles que soient les critiques. » OK. Fait que... Je vais aller essayer ça. Ah, c'est malade. Hmm. Cool. Puis en plus, c'est ça, en passant, la voix du Darkness, c'est Mike Patton qui a fait de Faith No More, Fantomas, ouais. Mr. Bungle. Ouais. Fait que, tu sais, ce gars-là, il a une voix écœurante, puis là-dedans, ça marche au bout, là. OK. Ah, puis ça a l'air quand même de suivre le comic book, malgré... Mais j'ai jamais lu The Darkness. Ben, c'est ça, je l'ai... Ce que tu me racontes, je l'ai vu en image pas mal, là, les, okay. les petites bébites, puis tout le kit, là, ouais. la mafia. Tout ça, donc... Mais je pense que ça a su, parce que c'est ça, c'est le développeur, c'est Top Cow. Top Cow. Top Cow, jusqu'à date... C'est Top Cow qui le faisait, c'est pas Dark Horse, t'as raison. Non, mais c'est ça, Top Cow, je pense que c'est même la compagnie Comic Book. C'est la compagnie Comic Book, ça, Top Cow. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Excusez, c'est Top Cow qui développe, puis c'est 2K Games qui publie. OK. Fait que c'est ça, il me semble, c'est ça, c'est une compagnie Comic Book, ça, Top Cow. Ouais, ouais, c'est une compagnie Comic Book. Parce qu'il me semble que c'est eux autres aussi qui Evil Ernie, puis des personnages comme ça, mais c'est vraiment des vieux comic books. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais non, fait que non, c'est ça. Top Cow. Top Cow. Excellent. Bon, un petit dernier jeu pour moi que j'ai acheté en prévision d'un truc spécial qui va arriver à Rétro Nouveau, mais finalement, j'aurais pas besoin de parler de ça dans le truc spécial. Mais pour enchaîner avec les comic books, j'ai acheté Comics Zone sur le Genesis. Oui. Puis ça, c'est disponible aussi sur le PlayStation Network là, que j'ai vu. Il y a plein de jeux de Genesis originaux qui sont disponibles direct de même dans le vide là, sur PlayStation Network. Oui, oui. Ils sont disponibles aussi sur XBLE, dans le fond. Sûrement. Mais moi, je te dirais que PlayStation Network, c'est comme un peu le petit gars en retard à l'école. Là. Okay. Parce que, tu sais, Comic Zone est apparu sur la Wii, sur la Virtual Console en premier. Après ça, il est apparu sur XBLE. Ouais. Ça a pris comme 1 ou 2 ans avant que ça sorte sur PSN. Il commence à sortir des vieux jeux rétro pas mal plus qu'avant. Ouais, ben c'est vrai que sur la Wii, il y en a un bon paquet parce qu'il y a une section consacrée juste à ça. T'sais. Exact. Mais je savais pas que le PSN avait comme aussi une section vieux jeux de Genesis, tu sais. Ouais, ben ils ont ça. Y a Neo Geo aussi se concentre beaucoup là-dessus. Ben, c'est bien cool, en tout cas. Puis ça, c'est un classique quand même là, du Genesis, où est-ce que t'es un personnage qui se retrouve absorbé. T'es un gars qui dessine des comic books, qui fait un comic book à New York. Puis là, il y a comme un méchant, le méchant de ton comic book, ton méchant à toi, là, que t'as créé, il sort du comic book, puis il t'envoie dans le comic book. Fait que l'action se passe de image par image, tu sais. Comment est-ce qu'on appelle ça, des images? Je sais que dans les comic books, il y a des phylactères. Mais les phylactères, c'est les bulles où est-ce c'est que tu bulles. Parles. En tout cas, c'est un comic book, c'est fait... Mais les images, c'est une case, on dit souvent les cases, on va dire les cases. Ouais. On dit les cases. Fait que c'est case par case. Benoît Mercier, des mystérieux étonnants qui se dit amateur. Tout ça, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Puis c'est ça, dans le fond, c'est un beat'em up, là. Ouais. Coup de poing, coup de pied, t'as des bébites, puis tout ça. Que tu bats, puis c'est toute ta création, tu sais. Fait que le bonhomme, il a bien de l'attitude en même temps. Il dit, hey, c'est moi qui t'ai créé, tu sais. Relax, tu sais. Puis il se fait dessiner des ennemis aussi. Il se fait aussi. Dessiner des ennemis, puis c'est ça. Puis t'as un rat aussi qui est ton pet, là, finalement, ton animal de compagnie qui est dans le comic book avec toi. Puis tu le retrouves. Puis lui, il est bien pratique parce que t'as 3 slots pour utiliser des affaires spéciales. Tu ramasses des trucs spéciaux. Ouais. Ton rat, c'en est un. Lui, il trouve des items cachés dans la page, tu sais. De la life, puis d'autres items que tu peux te servir dans tes armes spéciales. Un genre de point qui fait que, bon, ça fait un genre de un gros boom, ça tue les ennemis, de la dynamite, parce que des fois, t'as des obstacles, tu sais. Quand tu punches un baril pour faire ton chemin, pour pouvoir continuer, ça t'enlève de la life. Et ça, tu sais que quand tu fais ça, il y a de quoi de pas normal. Là. Ouais, t'as manqué quelque chose quelque part, tu sais. Fait que tu lâches ton rat, puis il va déchirer un petit bout de la page, puis whoop, il y a une dynamite qui va sortir. Tu mets ta dynamite, puis tu peux continuer ton chemin, tu sais. Fait que c'est ça. C'est un jeu quand même assez difficile quand tu commences à jouer. Là. Je me demandais si t'allais le dire parce que moi, je savais pas, j'étais pourri. Ah là, non, mais c'est pas facile. Tough, ce jeu-là. Mais j'ai lu qu'il était pas long, par exemple. Moi, je me suis rendu... Non, il est pas supposé. Je pense qu'il y a 3 stages. Ouais. Il y en a pas 4? Je pensais qu'il y en avait 4. Ah, ben si tu le dis, mais je suis pas sûr. Là. Non, c'est ça, mais ça se peut qu'il y en ait 3 aussi parce que moi, je me suis rendu au 2e, je me suis jamais rendu plus loin. Ouais, c'est là que le je suis rendu, c'est que j'avais la copie physique sur Genesis. Là, puis... Bon, t'as rien perdu, là, ça vaut pas cher. Là. C'est très, très, très, très commun. Pas vrai? Ouais, oh, ouais, c'est super commun. Okay. Moi, ça m'a coûté 10$ là, avec le shipping, fait que c'est pas grand-chose. Bon. Mais c'est ça. Puis la musique, étrangement, le monde disait que c'était bien, bien hot dans le temps. Mais moi, ça, je trouve ça lourd là aujourd'hui. Tu sais, Genesis, comment ça sonne? Hein? Le son du Genesis est très bizarre. C'est comme coucou. Puis, c'est comme une version cheap du Super NES, je trouve, la musique. Au niveau du son, là, carrément. C'est, tu sais, c'est... C'est comme si ça jouait en dessous de la table, je sais oui, pas. Oui, absolument. C'est vraiment ça le feeling. Le son est moffé. La guitare, là, où le petit... Oui. À chaque fois... Tu sais, c'est pas le fun, la musique, avec ce son-là, tu sais. Mais là-dedans, ça en est plein, là. Puis quand tu sélectes une affaire ou tu donnes un coup, ça fait... Tu sais, c'est comme... ça aussi, c'est comme en dessous de la table. Moi, ça m'a vraiment tanné, là. Tu sais, la musique, je l'ai trouvée vraiment pénible, là. Ça m'a tourné off bien raide, tu sais. Mais quand même, c'est le fun. Ouais. Puis c'est surprenant. Puis c'est une expérience de jeu nouvelle, là. Je connais pas d'autres jeux qui se passent dans un comic book comme ça. Non. Puis c'est vraiment cool. Donc, cool. C'est disponible sur toutes les consoles maintenant. Ça doit pas être cher, ça, quand même. Non, c'est pas cher, mais c'était 5$, je pense. Essayez ça. C'est pas cher. C'est pas cher. Rétronouveau.ca. Donc, cette semaine, moi, je veux revenir sur les photos que j'ai postées d'une méga-vente que j'ai faite. Ah ouais, méga-vente? Parce qu'il y a plusieurs personnes à qui je semble donner le goût de replonger dans le rétro et puis de sortir le vieil console. Écoute, une inspiration. Je suis vraiment inspiration. Pour le Québec. Non, mais ça me fait plaisir, par exemple, quand il y a beaucoup de monde qui m'écrivent comment on fait pour brancher ci ou pour mais faire ça. Mais on sait pas comment faire quand on se pitche dans le rétro. Même moi, quand je t'ai rencontré, j'ai décidé de revenir un peu là-dedans. Ouais. Puis tu sais pas par où commencer. T'avais 10 ans quand tu faisais ça. Fait que tu sais... Ben, il y a plein de problèmes dans le rétro, tu sais, les consoles marchent plus ou moins, ou ben tes jeux, puis là tu te demandes pourquoi, ou tu ressors ça, mais tu te rends compte qu'il te manquait un fil, là tu te demandes c'est quoi le fil, tu sais. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour montrer comment nettoyer les jeux, puis je vais en faire d'autres aussi, je voulais le faire cette semaine, mais j'ai pas eu le temps justement à cause de ma vente dont je vais parler. Ouais. Mais je vais vous expliquer en vidéo comment brancher les vieilles consoles, cool. Puis comment brancher les consoles plus récentes, genre Super Nintendo, tout ça. Ouais. Tout ensemble, tout en même temps sur ta TV, ta vieille TV. Donc, pour revenir à la vente en question, j'ai vendu un Atari 2600, un ColecoVision, un Intellivision, puis un Game Boy. Donc, j'ai fait un beau gros bundle. Puis, wow. Ça m'a pris du temps parce qu'il fallait que je teste. J'ai vendu avec ça genre une trentaine de jeux. Okay. Donc, il a fallu que j'essaye toutes les consoles, que je trouve tous les fils, que je nettoie. L'Atari marchait pas bien du tout. Donc, je l'ai ouvert, comme vous avez vu sur les photos. Puis, je suis vraiment fier de moi parce que j'ai réussi à le remettre là, clean. Là. Les noirs étaient noirs. C'est vraiment propre. Puis, tu sais, c'était tout grichu. Il y avait des artefacts qui disent là, partout dans l'écran. T'sais. Puis, après que je sois passé dedans, là, l'image était parfaite. Wow. Donc, voilà, je suis bien content. Puis, donc, le montant que je vais avoir pour ça va être ma mise de fonds. J'ai décidé pour essayer de continuer à vendre des choses. Il y a quelqu'un d'autre qui a communiqué avec moi sur le Facebook de Papa Cassette qui, après avoir vu ça, lui aussi voudrait un Atari, tu sais. Fait que, all right, moi, je suis à la chasse d'un Atari présentement. Le gars est à Sept-Îles, tu sais. Okay. Il y a un prix fixe, là. En tout cas, je vais essayer de trouver ça à son prix puis lui choper. Ah, ouais. Donc, excusez, notez ça. J'ai des choses à vendre aussi, puis je magasine beaucoup. Puis parfois... Par-ci, par-là, je vois des items ou des jeux très intéressants qui sont pas chers, que je pourrais revendre aux intéressés. Là. Oui. Donc, je vais continuer là-dedans. Je vais essayer de me ramasser du stock, toujours avec mon 200$ de mise de fonds. Si je réussis à acheter un Atari à 30$ puis je le vends 40$, ben, je me fais un 10$. Puis avec ce 10$-là, je fais d'autres choses. Ben, moi, je crosse pas le monde. Là. Il y en a qui vendent ça vraiment cher. Moi, je le vends pas cher, là, le stock, parce que je sais ce que ça vaut. Donc, je vais continuer là-dedans. Puis, il y a bien des chances aussi que je transforme le blog de Papa Cassette en boutique en ligne. Oui. Je voulais faire une vraie boutique, tu sais, avec tous les trucs, un shopping cart puis tout ça, mais c'est assez compliqué. Mm-hmm. Donc, je vais peut-être juste poster finalement des items que j'ai à vendre, tu sais, puis on communique avec moi, tu sais, Very friendly, puis on s'arrange. Donc, c'est à suivre, là. Ah, c'est cool. Je vais continuer là-dedans un peu puis essayer de vous vendre des choses, vous, les gens qui trippent, qui recommencent à tripper sur le rétro. Ah, c'est cool. Moi, cette semaine, j'ai mis une photo de la Neo Geo portable. Hey, c'est-tu pour vrai, ça, là? Oui, ben, c'est pour vrai. C'est que c'était une console qui existait déjà, sauf qu'elle avait comme pas de nom. Okay. C'était supposé d'être Neo Geo Pocket, Neo Geo ci, Neo Geo ça. Là, c'est vraiment Neo Geo Pocket. Puis ça ressemble à un iPhone. C'est un rectangle à coin rond plate. Oui. Carrément. Puis elle est vraiment belle, elle est vraiment sharp. Puis en plus de ça, tu sais, il y a un pad, un joystick. Ouais. qui a l'air vraiment fiable avec les boutons sur le dessus, les gâchettes L1, L2, R1, ouais. R2. Mais j'ai lu que ça avait l'air de venir built-in avec les jeux dedans. Oui, il y a des jeux dedans. Par contre, sur le côté, on voit qu'il y a une slot pour une carte SD. Ah, OK, OK. Ce qui me fait penser que, justement, tu vas pouvoir télécharger des jeux. Puis j'ai mais tu ne pourras pas en acheter. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est que là... C'est téléchargement seulement. C'est ça. Ça serait téléchargement seulement. Puis ça, c'est quelque chose qui a été vu sur Famitsu, qui a été après ça reporté sur le site d'Adria Sang. OK. Fait que c'est vraiment... Les détails sont minces encore. Il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est pas grand-chose là-dessus. Puis c'est surtout sur les boards de NeoGAF. Tout le monde vont partir des rumeurs puis tout ça. Mm-hmm. Jusqu'à maintenant, regarde, la photo est là. La preuve du concept est là. Elle existe. Ouais. C'est SNK qui a fait. Fait ouais. que ça, c'est fiable. T'sais. C'est fiable. Il y a des bons titres. Exact. T'sais, fait que non, moi je trouve ça intéressant que Neo Geo ait vraiment leur petite console. T'sais, j'aime ça, les petites affaires là-même, un peu comme ouais. Game Boy Micro. Oui, oui, oui. C'est tellement cool ça. C'est cool ça. Mais j'aime ça, l'espèce de le trip d'avoir comme une console, puis que déjà t'as des jeux dedans, t'as des classiques dedans. T'en as pas mal à part de ça. Ouais. On dirait qu'il y en avait une vingtaine il y en a 20, déjà. Là. Ouais. C'est des bons classiques. Ouais, ouais, ouais. T'as il y a beaucoup de jeux de bataille ouais. pour Neo ça, Geo, dans le Neo ouais. Geo, là, Samurai Showdown, Fatal Fury, ouais. toutes ces affaires-là. Il y a Baseball King Stars aussi. Mais c'est SNK aussi, ouais. en fait, là-dedans. Tout ça, c'est ensemble. Ça me mélange un petit peu. Ouais, SNK Playmore. Mais moi, j'étais surpris de voir Neo Geo comme apparaître, me semble, de nulle part. Que c'est ça, Neo Geo, soudainement, qui apparaît avec une console comme pour défier la 3DS ou la Vita. Mais en même temps, c'est je pense que c'est même pas pour défier. C'est ben, je pense pas. Ils ont toujours été là, ils ont toujours eu des arcades, puis ouais. il y a vraiment un suivi. Là. Il y a un gros fanbase de Neo ouais, Geo. Oui, il y a des gros fanbases. Puis en plus de ça, ce qui est le fun, c'est que les fans de Neo Geo, c'est des passionné, là. Ah t'sais, oui. Ben, il faut être passionné des... comme pour retracer puis taponner dans ouais. ces vieilles affaires-là. Mais tu sais, en plus de ça, pour avoir un forum juste sur des trucs de Neo Geo, c'est fort en maudit, là. Non, absolument. Tu sais, fait que je me dis, bon, ben, regarde, il y a une demande pour ça puis il va y avoir quelque chose. Pas le prix, rien. On a absolument. Le prix, je suis vraiment curieux, détail, mais si c'est pas. Moi, j'espère qu'ils vont pas faire les comptes, qu'ils vont pas vendre ça dans 300$. Exact. Personne va l'acheter, là. S'ils le vendent, je sais pas, moi, 150$, mettons, gros ouais. max, moi, je suis preneur, là, c'est sûr, là. Mais tu sais, ce qui est con là-dedans, c'est que si on veut, on peut acheter les jeux de Neo Geo pour la PSP. OK. Fait que ça veut dire qu'à quelque part, tu sais, je sais pas si tu vas avoir un deal tant que ça, tu sais. Ouais. Si sortait, mettons, là, tu sais, avec tous les jeux dedans, et qu'il sortait ça justement une centaine de piastres, c'est encore, tu sais, ça un bon fonctionne, deal. C'est un bon deal. Ouais. Mais sinon, tu sais, un jeu de Neo Geo sur mettons, PlayStation Network ou XBLA, c'est 5 piastres. Ouais, mais là, et c'est portable. Tu l'as sur ta... Ouais, mais c'est portable, mais tu l'as aussi sur ta console. Ouais, sur, admettons pour PS3, c'est PS3 PSP compatible. Ouais, OK. Mais mettons, peut-être qu'il l'aura pas sur la PS Vita, peut-être. Ben oui, parce que tout ce qui est téléchargeable. Tout ce qui est PSP reste encore. Ouais. Là, ouais. Tout ce qui est téléchargeable sur le store peut aller sur la PSP. Ouais. Fait que. Puis sur la PS Vita, évidemment. Fait que. C'est peut-être juste pour faire plaisir aux fans, en fait. Là, moi, je pense que c'est plus ça. Si là, tu c'est... veux le jeu vraiment, tu vas le pogner sur ta PSP si ça te tente, là. Exact. T'sais, mais les fans, les vrais, là. Peut-être que c'est... Mais en même temps, c'est beaucoup d'argent investi. Mais c'est ça, mais c'est un peu le même principe que le rétro, tu sais, que le rétro gaming, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui vont se demander pourquoi je m'achèterais une NES alors que ben je oui. peux m'acheter ces jeux-là sur la Virtual Console, tu sais. Oui, absolument. Puis même pour n'importe quoi, il y a beaucoup de ports, il y a beaucoup d'émulation qui se fait. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment pour les fans finis. Là, ouais, là, ouais. Tu sais, c'est ceux-là qui la veulent, ils vont l'acheter puis ils l'attendent impatiemment. Oui. Ah, ben en tout cas, moi, j'étais bien content de revoir Neo Geo refaire surface comme ça. Oui. Puis si vous voulez acheter une vraie console Neo Geo... Juste même pour rire, les cassettes, je sais pas si vous avez déjà vu une cassette de Neo Geo, là. C'est épais comme deux cassettes VHS, là, puis c'est plus gros encore. Là. Hein? Ben, pas... Ah, j'en ai pas vu des. C'est vrai, j'ai jamais vu ça, je pense. C'est gros, mon gars, là. C'est des plus grosses. C'est gros comment? Comment est-ce que. Ah, j'ai pas d'idée vite de même, là, mais c'est plus comme gros un roman, qu'un VHS. Finalement. C'est plus épais qu'un VHS, puis c'est plus haut qu'un VHS. Là. C'est huge, là. C'est huge. Mais wow. Ben, je veux pas de Neo Geo, là. Ça coûte cher, les jeux coûtent cher, tu sais. Ça serait vraiment là, du hardcore rétro gaming de me pogner ça, là. Mais je connais un cabinet d'arcade Neo Geo, c'est quand même trippant. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, on est bien content quand même de revoir Neo Geo. Mais, hein. Compagnie. Donc, c'est pas un segment qu'on avait la semaine passée, mais c'est ça fait partie des nouveaux segments de Rétro Nouveau. En fait, à ce stade-ci, à cette place-là, dans le podcast, c'est un segment rotatif. Oui, exact. On a quatre thèmes pour cet espace-là dans le podcast. La semaine passée, c'était un créateur. C'est ça. Puis c'est ça, aujourd'hui, on parle d'une compagnie, puis vous verrez avec le temps, on a deux autres segments là, qu'on va ajouter. Là. Oui. Alors, vas-y, mon yes. ami. Fait que la compagnie d'aujourd'hui, c'est Data East. Oh yeah! Ouais, Data East, les rétro gamers vont triper. Ouais. Data East, c'est une compagnie de jeux vidéo japonaise. Ça a été fondé en 1976 par Tetsuo Fukuda. OK. Et c'était au départ, était en charge d'intégrer des composantes à l'intérieur des arcades. Fait qu'il travaillait à l'intérieur des arcades avec justement toute l'électronique, ce qu'il faisait. Okay. Fait que c'était des ingénieurs plutôt qu'autre chose, tu sais. Mm-hmm. Puis en 1978, la compagnie a réalisé qu'il y avait de l'argent à faire avec les jeux vidéo parce que ça commençait avec Pong puis tout le reste, puis les arcades aussi étaient assez populaires. Eux-mêmes avaient une certaine expertise déjà. Ben, quand même. Ils montaient le data des autres dans les arcades. Ils se sont dit, hey, on va en faire du data puis on va faire nos arcades. C'est ça, tu sais. Pas fou quand même. Fait qu'ils se sont lancés dans le développement avec leur première machine d'arcade qui était Super Break. Super Break? Oui, que je connais pas beaucoup. C'est un genre de breakout. OK. Puis en 1981, il y a trois des membres de Data East qui ont fondé Technos Japan, qu'on connaît parce qu'il y a eu quand même beaucoup de jeux comme Super Dodgeball qui en fait partie. Ouais, ouais. Puis c'est Technos Japan supporte Data East en restant indépendant, ce qui est quand même assez rare. OK. Puis en faisant des jeux, Data East a continué à développer des composantes pour les machines d'arcade, telles que le système d'écho de cassette. Qui fonctionnait vraiment mal, puis le kit multi-conversion. Ça, c'est deux affaires, là, je vous avoue, j'ai pas fait de recherche pantoute pour la raison suivante. Ces produits sont devenus populaires à cause de leurs multiples problèmes techniques. OK. Fait que, tu sais, déjà, le nom était pas terrible. Ouais, fait qu'après ouais. ça, il y a eu des bugs avec ça, ça avait pas d'allure. Fait qu'en 1985, la compagnie a décidé enfin de se consacrer seulement au développement de jeux vidéo. Il était temps, là, parce que ça marchait pas, les affaires d'ingénieurs. Puis ce qui est fort, c'est que Data East ont survécu au crash du jeu vidéo qui est apparu en 1983. Ah ouais? Le crash du jeu vidéo, c'est que de 1983 à 1985, écoute, les revenus sont passés de 3,2 billions à 100 millions en 1985. Ouais, c'est ça. Il y a tellement eu de compagnies qui sont apparues en même temps, puis tout le monde a fait son affaire, puis ça fait des millions de consoles, puis des millions de compagnies qui font des jeux pour telle console, tu sais, puis des rip-offs, puis de la copie, puis de n'importe quoi. C'était pas contrôlé dans ce temps-là. Non, c'est ça. Ça a fait boule de neige, puis ça a fait un crash là, terrible. Là. Ouais, c'était épouvantable. Puis eux autres, ils ont survécu avec le sortie de jeu, non seulement pour l'arcade, mais pour les consoles aussi. Ouais. Puis certains de leurs jeux les plus populaires, j'en ai mis une coupe, il y a Karate Champ, Heavy Barrel, Burger Time, Bad Dudes vs. Dragon Ninja, Sly Spy, Robocop, Bump and Jump, Carnov et Atomic Runner Cell 9. Moi, je rajouterais aussi Kid Nicky. Oui. Et puis Breakthrough. Exact. Aussi. Ah oui, ils en ont des méchants bons, mais c'est ça, à ce jour, ils ont 125, au-dessus de 125 jeux qui existent. OK. Mais ceux-là qui ont bercé notre enfance, là, c'est vraiment ceux-là qu'on vient de nommer. Là, pas mal. La pochette est toute pareille, tu sais. Mais mettons Kid Nicky, la pochette est toute rose, puis c'était écrit Data East en haut, puis t'avais l'image dans le milieu. Bad Dude, c'était toute gris. Breakthrough aussi. Mais moi, le c'est ça, je me souviens, quand on était jeune, il y avait comme quelque chose avec le branding qui faisait que je revenais Data East. C'était important. Je voyais le logo, je voyais la façon que la pochette était mise en page. C'était tout le temps la même affaire, un peu comme le trend de Konami aussi faisait. Puis ça, Capcom, Ultra faisait ça. C'était super important, le branding, pour nous autres, les jeunes. Là, là tu l'achetais, là, ben dès que tu voyais ça, t'es comme « Hey, yes, c'est bon, le dernier jeu était bon ». Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est ça, Data East a fait l'acquisition de plusieurs licences venant d'autres compagnies, comme justement Kid Nikki, Radical Ninja, Kung Fu Master, puis Vigilante, qui appartenait à IRE. IRE. IRE? Oui. Ah, je connais pas comme ça. Une espèce de petite compagnie. Pas ça qui est devenu IREM? Oui, c'est ça. C'est devenu IREM? C'est ça. Ah, hey, au départ, que je connais mes affaires. Tu connais tellement tes affaires. Puis Commando de Capcom. Ouais. Donc, ils ont fait une acquisition auprès de Capcom, pas n'importe laquelle, parce que Commando, ça a été super populaire. Ah ouais, je savais pas que Dataïs avait fait un Commando. Oui. Ben, c'est que, à vrai dire, ils l'ont pris à Capcom, fait que c'était sous le nom de Dataïs, mais ouais. Le développeur était Capcom. Fait OK. Il publie, publié par Dataïs, développé par Capcom. OK. Puis, en passant, pour pas fourrer le monde solide, c'est une faute de frappe. C'était vraiment IREM. Ça n'a jamais été IR. C'est moi qui s'est trompé dans mes affaires. Fait que désolé, je l'avoue. Vous voyez, on est complètement transparent ben, à Rétro Nouveau. Complètement. Ben, on s'est quand même bien rattrapé. IREM, à ce que je me souviens, ils ont fait quelques jeux dont le plus populaire ou le plus connu étant R-Type. Oui, c'est un shooter, shoot 'em up là, mais pour les autres, je m'en souviens pas trop. On en fera un autre. Ben oui, certain. C'est une autre compagnie que j'aimerais bien connaître, ça. Fait que c'est ça, ils ont été aussi très présents sur les arcades Neo Geo dans les années 90, évidemment. Ouais. Il y a aussi les machines à boules. Ils ont eu 23 machines à boules qui ont été produites de 1987 à 1994. Vous savez que je suis un gros fan de machines à boules. Mm-hmm. Fait que j'en ai essayé une bonne coupe là-dedans. Ils ont amené l'innovation avec un son stéréo, puis aussi étaient les premiers à utiliser le petit écran Dot Matrix avec la machine Checkpoint. Qu'est-ce que c'est ça, tout ça? Un écran Dot Matrix. Un écran Dot Matrix, dans le fond, c'est le petit écran que tu vois sur les machines d'arcade avec des digital animations dedans, digitales avec des petites ampoules. Ouais. C'était un chiffre qui tourne comme sur une vieille pompe à essence. C'est ça, exact. Avant, okay. C'était juste des chiffres. Puis là, t'avais ça, puis t'avais des petites animations Game Over. Quand ta boule, elle s'en allait, tu voyais une espèce d'animation de boule. Ah, ça, t'sais. C'était le fun, check it. C'était cool. Ouais. Tu sais, dans le fond, si on veut faire un parallèle avec les écrans Dot Matrix, ça ressemble aux écrans cheap à lumière qu'il y a dans le métro. Dans le métro, hein? Ouais, c'est vraiment ça, avec les mêmes genres d'animations. Ça, c'est un écran Dot Matrix. Puis il y a un plus grand écran qui a été disponible après ça sur la machine Maverick qui a été très, très populaire. Okay. Puis leurs machines à boules, justement, qui ont été très populaires, c'est à cause qu'ils étaient basés sur des licences populaires. Ils n'ont pas choisi n'importe qui. Pour en nommer quelques-unes, puis je suis sûr et certain que vous avez joué à une de ceux-là parce que moi, j'ai quasiment joué à toutes ces machines-là. Guns N' Roses, Star Wars, Back to the Future, Batman, Robocop, The Simpsons, Teenage Mutant Ninja Turtle. C'est quand même fort. C'est des affaires qui vendent, ça, comme on dit. C'est des affaires qui vendent, puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, dans ce temps-là, à ce moment-là, il y avait comme une espèce de gros boom de pop culture entre 87 et 94, justement. Il y a eu plein de films sur des comic books, des trucs comme ça, tu sais. Les Ninja Turtles, Robocop, Guns N' Roses, c'était direct là-dedans. Les Simpsons, il y a eu un gros boom aussi, tu sais. Fait que c'était le fun, tu sais. Puis Data East a décidé de vendre la division Machine à boules en 94 à Sega. Oh! Ouais, ils ont décidé de sortir de ça. Puis pourquoi ils ont décidé de vendre à Sega? C'est parce que vers la fin des années 90, ils ont eu beaucoup de problèmes financiers. OK. Data East USA n'existait plus même suite à ces problèmes financiers-là. OK. Ils ont juste laissé leur division du Japon en fonction, qui avait encore des problèmes financiers, donc incapable de les surmonter. Ils ont fait une réorganisation en 1999 en arrêtant de faire des jeux vidéo. Donc, les trois années suivantes, ils ont vendu des générateurs à ions négatifs. Donc oh, ça, c'est excitant, ça! Encore revenu dans l'ingénierie. Okay. Ils ont vendu leurs vieux jeux à d'autres compagnies telles que G-Mode, qui est un fournisseur mobile japonais, et Paon Corporation. Fait qu'ils ont tous vendu les licences. Ils vendent tout a été vendu. Oui, tout a été vendu. Si je me serais acheté quelque chose, là. Imagine, à ce moment-là, sérieusement, s'il y avait quelqu'un qui avait pensé, là, il aurait pu acheter de Thaïs, là, de même, tu sais. Ouais. Puis Dieu sait que tu peux faire vivre ça quand même assez bien, ces licences-là, tous ces vieux jeux-là. Bad Dudes, aujourd'hui, là, repenser, là, tu sais, puis tu le fais solide, là, tu sais. Il me semble que ça serait hot, là. Crime, tu vois le président. À la fin, je pense que c'est pas dans ce jeu-là qu'à la fin, il mangeait un burger ou quelque chose du genre. Ouais, t'sais. Genre, tu manges un burger, tu sauves le président. Fait que, tu sais, c'est gagnant, là. Mais en tout cas, malgré tous ces efforts-là, de Thaïs, on fait banqueroute en avril 2003. Fait capote en fini. 2003, fini complètement. Plus rien de ça aujourd'hui, là. Plus rien. Les seules dernières traces qu'il y a eu de Thaïs dans les dernières années, c'est qu'en septembre 2009, Majesco Entertainment a mis en marché le jeu Thaïs Classics sur la Wii. Ah oui. Sous la licence de G-Mode, qui est dans le fond le fournisseur mobile japonais. OK. Fait que, tu sais, c'est les seules traces qui restent. C'est triste, pareil. C'est triste, mon gars. Il n'y a pas de compil de ça nulle part, là. Non. Genre Thaïs à Greatest Hits. Non, je sais pas qui c'est qui attend, sérieusement. Il semble, il y aurait de quoi à faire, là. Si vous nous écoutez et vous êtes un riche, un riche qui veut juste dépenser de l'argent sur des affaires qui pognent, mais ça pognerait. Absolument. T'sais. Tu ramènes Thaïs, ramènes toutes ces licences-là. Karate puis... Champ, là, il me semble que ça serait dû. Ça, c'était mais pourri ça... dans le temps. Ça serait dû pour être bien fait. Ça serait dû. Heavy Barrel. Crème. Heavy Barrel, oui. C'est tellement bon, mais. C'est ça, tu sais, c'est dommage parce que ça a bercé notre enfance, puis c'est des ingénieurs qui sont venus par être ingénieurs, puis ça n'a pas fonctionné. Puis on peut saluer l'effort quand même. Ils ont fait des choses, puis ils ont été dans les machines à boules, puis tout, puis ça a été quand même une réussite. Ils ont fait des choses grandioses, c'est juste que c'est ça. Ils étaient dans le temps, je dirais qu'ils étaient, dans ce temps-là, justement, ils étaient peut-être très compétents, mais c'est sûr qu'avec la venue du 3D, puis tout ça, ça a dû faire peur à bien du monde aussi, tu sais, c'était un gros passage quand même. Ouais. Ah ben. Merci Bruno. Ça fait du bien de parler de ça. Eh oui, hein, vraiment. Ça nous instruit. Je l'apprends toutes les semaines. Ouais. Je capote. La discussion. Fait que la discussion cette semaine, c'est. On se demandait copie physique ou téléchargement? Parce qu'il y a bien du monde qui ont de la misère avec ça, le téléchargement, d'autres avec ben là, les copies physiques. Tu me regardes la face, puis je pense que tu connais déjà mon point de vue sur le sujet. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que j'ai l'impression que la discussion aujourd'hui, ça va quasiment être un débat. Ben, ça se peut. Parce que... On est clairement deux genres là-dessus. Oui, c'est ça. D'ailleurs, tu me parlais, j'ai posté sur le blog une photo de ma copie de Vanquish. Oui. Quand je mets des images d'acquisition, je le faisais sur Papa Cassette, je le fais sur Rétro Nouveau. Je prends moi-même des photos de mon jeu, puis je le découpe dans Photoshop, tu sais, puis je le mets. Exact. Parce que moi, j'aime l'objet. Oui, c'est ça. T'es vraiment un collectionneur. Ben oui, c'est ça. Puis, tu t'as déjà dit dans un autre épisode que, tu sais, on s'attache pas nécessairement à nos jeux de PlayStation 3, tu sais, au Xbox d'aujourd'hui. Mais il faut pas oublier qu'il y a pas si longtemps que ça, le PlayStation 1, tu magasinais des jeux de ça, puis tu jouais à ça, puis c'est tout ce qui existait, tu sais. Ça fait combien d'années de ça, là, mettons, 7, 8, tu sais? Ouais, c'est vrai, ça fait pas si longtemps que ça. Puis, il y a des... Final Fantasy 7, là, si tu l'avais gardé, ben toi, tu l'avais pas, mais si vous l'avez gardé, là, version non Greatest Hits, là, on s'entend, là, puis... Aujourd'hui, là, ça vaut 150$, tu sais. Ça fait pas si longtemps que ça, là, tu sais. Donc, moi, c'est dans cette optique-là que j'aime les jeux puis que je les garde, tu sais. Surtout les jeux comme Vanquish, je pense, qui va prendre une certaine valeur, peut-être dans 7-8 ans, tu sais. Mais quand même, c'est pas dans le but de me mettre millionnaire non plus, là. C'est juste parce que j'aime collectionner, tu sais. C'est comme les cartes de hockey, les gens qui ramassent ça, tu sais. Ouais, tu ramasses, tu tripes, mais quand est-ce que tu vas les vendre? Là? Jamais, tu sais, parce que tu veux toujours que ça prenne plus de valeur ou whatever. Ben moi, je sais pas, j'aime mes affaires, tu sais, puis je veux que ma collection soit belle, tu sais. Fait que moi, mais j'ai découvert, par exemple, cette année, un peu le téléchargement, si je peux dire, parce que j'avais jamais téléchargé de jeu avant d'avoir un PlayStation 3. Okay. Et puis j'en télécharge aussi avec ma 3DS maintenant. Ouais. Donc, je suis là-dedans. Puis j'aime ça, même si j'aime la copie physique, là, c'est bien. Mais... C'est plus difficile à poster sur le blog un téléchargement. C'est moins sexy que prendre une photo, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est l'affaire qui arrive, c'est qu'à un moment donné, moi, c'est ça, je suis un consommateur, littéralement. Ça. Moi, je suis un consommateur, là. Toi, t'es un collectionneur. Un après l'autre, là, tu sais. Moi, ça roule un après l'autre, puis souvent, j'ai fini un jeu, je vais l'échanger, je vais le vendre pour en avoir un autre, parce que j'y reviendrai pas. Il y a certains jeux, comme j'ai dit l'autre fois, que j'aimerais y revenir. Mais encore là, ces jeux-là, j'y suis pas revenu encore. La retraite, man. Un moment donné, là, tu vas faire comme les gars qui communiquent avec moi aujourd'hui. Tu vas avoir un coup de nostalgie qui va t'attraper. Ouais. Là, tu vas avoir le goût de ressortir ton PlayStation 3 dans 20 sûr. Ans. Là. C'est sûr que ça va arriver. Puis là, il n'y a pas si longtemps que ça, dans certains épisodes, on disait, Bruno, t'es bien cave, tu t'es débarrassé de Highlander. Ouais. Tu t'es débarrassé au Game Boy Advance d'un... De quoi, donc, une espèce d'affaire, là, super. Ah, de Shantae. Ben oui, Shantae, c'est ça. Ça vaut fortune, ça, aujourd'hui, là, tu sais. C'est ça, c'est une de ces. Ah non, c'est. C'était peurant. je regrette, c'est vrai. Je regrette ces affaires-là, mais tu sais, c'est. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, le rétro, ça va être la PS3 puis la Xbox. Ben oui, totalement. Fait que c'est ça qui est drôle, d'imaginer ça, qu'à un moment donné, ça va être ça, notre mais rétro. Peut-être mais... aussi qu'à un moment donné, il n'aura plus de copie physique, là, au magasin, ben, même dans ça, un avenir que... très proche. C'est un peu aussi pour ça que je voulais en parler, parce que là, les dernières nouvelles, ça serait que les nouvelles générations de consoles, soit la Wii U, la prochaine PS3, puis la prochaine 360. La Xbox 720. Ouais, la Xbox 720, puis la PS4. Ouais. Que ça serait les dernières consoles, qu'après ça, il n'y aura plus de consoles, tout va jouer sur le cloud. Ça va tout être du cloud gaming, fait que tu vas jouer en streaming à un jeu. Puis tu vas juste avoir une espèce de petite boîte qui va te permettre de te permettre de jouer à n'importe quel jeu. Fait qu'il n'y aura plus vraiment de compagnie. Ça va juste être des développeurs, en fait. Ça, c'est correct pour moi. Ça va me permettre d'économiser. Oui. Non, mais je trouve que l'idée est intéressante. Puis tu sais, le téléchargement, ce que j'aime dans un sens, c'est que ça te force à être collectionneur. Tu peux pas t'en défaire d'un téléchargement. Là. Une fois qu'il est acheté, il est acheté. Tu peux pas le revendre. Tu peux pas le prêter à un chum. Mm. Tu peux rien faire de tout ça. Mais tu peux pas avoir comme... Tu peux pas le regarder. Moi, là, tous les matins, je vais à l'ordi chez nous. Je passe devant mon armoire de jeu, tu sais. Puis je la regarde. Mon téléchargement, là, je le regarde pas. OK, ouais, là, t'as un point. Là, je peux pas battre ça, mais... Mais je sais pas, c'est... Mais tu sais, tu peux pas collectionner les téléchargements, par exemple. Là, ben, t'sais. Non, ben, mais... comme on t'en a déjà parlé, par exemple. Ouais, comme j'en ai déjà parlé, moi, je vais avoir une espèce de... Bibliothèque virtuelle. Ouais, une bibliothèque virtuelle, ben, j'aimerais ça, ça serait bien, ça, pour les gens qui sont atteints d'une maladie comme moi. Tu sais, ça m'aiderait comme à passer à travers cette étape-là là, de plus de copie non, physique. Non, mais tu sais, si tu regardes, mettons... Bon, check si tu check la 360, la Wii, la PS3, quand tu restes sur l'icône de ton téléchargement, c'est pas super excitant. C'est généralement comme une image du jeu puis d'attitude. Ouais, c'est générique. Mais hein, c'est si tu suis l'exemple de la 3DS, moi c'est devenu comme un petit candy pour moi. Genre, ça va être quoi l'icône, tu sais? Ouais. Puis ouais. Même dernièrement, j'ai essayé la démo de Resident Evil Revelations, dont j'ai pas parlé tantôt. Mais, attends, sur la 3DS? Oui, sur la 3DS. Tu peux downloader des démos. Mais oui. Tu peux juste les regarder d'habitude. Non, tu peux downloader des démos maintenant, mais pas des démos. Il y en a juste un pour l'instant. Ah, mais c'est nouveau d'abord. Ils vont commencer à faire ça, des démos sur la 3DS. Exact. Ah, quelle bonne nouvelle. Mais oui. C'est parce que je l'ai annoncé à Monsieur Net, dans le fond. Ah, désolé, j'écoute pas Monsieur Net. C'est pas de ma faute, je m'en venais ici pour taponner sur les micros. Fait que, non, c'est ça. Fait que, bref, moi aussi, c'est comme devenu un fun. C'est comme, ah, ça va être quoi l'icône, tu sais? Puis il y en a qui se donnent. Fait que, moi, je prends mes plaisirs de collectionneur là-dedans. Puis il y a aussi le fait de, tu sais, de descendre dans ma bibliothèque de jeux autant sur 360 que PS3. Ah, c'est quand même le fun. Je trouve ça cool, tu sais. Ouais. Puis, mais on peut-tu les organiser? Oui, bien, sur PS3, tu peux, mais ils ne donnent pas énormément de choix. Parce que là, je les reçois en ordre de download. Ils sont placés comme ça. Mais je ne peux pas les draguer puis comme les organiser comme je veux. Comme non, sur une interface de 3DS, justement. C'est ça, non, tu ne peux pas les draguer. Tout ce que tu peux faire, c'est... sur PS3, c'est avec la touche carrée. Mm-hmm. Tu peux décider de les mettre par date de création, dans le fond, de la date où tu les as achetés. Ou les mettre comme le dernier auquel tu as joué. Moi, je le mets tout le temps au dernier auquel j'ai joué parce que aussi ça me permet de voir à quel jeu je joue pas pantoute. Oui, puis tu y retournes. Hein? Ben, tu sais, c'est ça. Des fois, j'y retourne ou des fois, je vais donner une chance à ce pauvre petit-là. Ouais, il fait pitié quand même. Il est en bas de la liste, tu sais. Comme présentement, celui-là qui est en bas de la liste, c'est mon Bomberman. Ça fait une éternité, je l'ai pas touché, tu sais. Puis juste en haut, c'est Lumines Supernova. OK. Puis là, je les regarde des fois, puis je suis comme... Ouais, ça fait un bout. Je vais jouer avec toi, tu sais. Fait que, tu sais, il y a du plaisir à trouver quand même dans le téléchargement. Pour moi, c'est parce que ça me force à pas vendre mes jeux. Mm-hmm. Fait que, tu sais, des fois, là, comme de là, confession, j'ai vendu un jeu, puis je le regrette. Parce que là, il sort du DLC, puis je veux l'avoir. Puis c'est Dead Island. Ouais. Il était dans mon top de 2011. Ouais, ouais. Je voulais m'acheter d'autres jeux, puis j'avais tellement d'autres jeux à m'acheter durant le temps des fêtes que j'ai fait comme, oh, fuck that, là. T'sais, j'ai fini avec Dead Island. Ouais, mais t'as rien qu'à faire plus je d'argent. Le vends, ouais, c'est ça. Trouve une façon de faire plus fait d'argent. De l'argent. Sors-toi un autre projet, là, Georges. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon, mais correct, je vais le vendre. J'ai fini avec Dead Island. Puis là, ils ont annoncé aujourd'hui une nouvelle extension qui est une nouvelle campagne qui a l'air ça super ça se passe dans tripante. Un centre de ski, là? C'est quoi? C'est non, ça se passe pas dans un centre de ski. c'est un militaire qui revient. Okay, qui, okay. Qu'il faut qu'il trouve sa femme. Puis il a joué bien dramatique, mais le gameplay a l'air cool, tu sais. Là, je me disais comme, Caroline, j'aurais aimé ça, jouer à ça, tu sais. Ouais. Mais si c'était une extension à un jeu en download, comme, disons, Stacking. Ouais. Tu sais, dans Stacking. Tu l'aurais dans ta. Tu t'en serais pas débarrassé. Exact. Stacking, je l'avais en téléchargement. Une fois que je l'ai fini, j'avais plus le goût de jouer, là. Mais un moment donné, il est sorti Hobo King ou une affaire de même en DLC. Je l'ai pas nié. Mais les jeux en téléchargement comme ça sont-ils toujours plus petits qu'un jeu que tu achètes au magasin 60$, tu sais? Pas nécessairement, parce que tu peux acheter aussi les copies des jeux que tu as en magasin. Maintenant, ça se fait, ça, là. Oui, c'est ça. Okay. C'est surtout 360 là-dessus, c'est les rois, parce qu'eux autres, ils ont pratiquement tous les jeux qui sont sur les tablettes. PS3 en ont beaucoup moins. La Wii, on n'en a pas du tout. Ouais. Fait que ça, c'est déplorable. J'espère qu'ils vont changer ça. Mais c'est des gros formats, tu sais. Des fois, ben, c'est lourd, comme... là. Juste downloader un démo, là. C'est long, ça. Oui. Mais des fois, il y a des jeux, c'est surprenant. Comme, mettons, j'ai pogné Borderlands. Mm-hmm. Tu sais, c'est 4 gigs. Tu sais, 4 gigs, c'est... Non, mais c'est pas tant que ça quand tu penses à ça. Parce que, tu sais, c'est énorme. Non, c'est même pas 4 gigs. C'est 2 gigs. 2.5, genre. Fait que, tu sais, mais c'est pas gros. Quand tu considères tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, c'est énorme, ce jeu-là. Mais il y a un autre point, par exemple. Pour les gens qui download des films, qui download plein d'affaires, ça fait péter ta limite de bandwidth. Ça, c'est pas terrible. Tu sais, si on veut que ça marche, tu sais, puis que les gens achètent vraiment juste des downloads, download leur jeu tout le temps, un jour, va falloir qu'au Québec ou au Canada, on allume, là. On n'a pas une bonne Pierre-Carl, il booste un peu les bandwidths, là, parce que, tu sais, on paye comme des malades, tu sais. Ça, c'est pas fin du tout, là. Mais c'est vrai. Non, mais par rapport à ça, c'est vrai que j'aime mieux une copie physique tout le temps, tu sais, puis... Mais c'est ça. Moi, j'aime le téléchargement parce que je trouve ça pratique. Tu veux un jeu, là, tu l'as maintenant. Maintenant. Ah, ça, c'est bien le fun. Puis pour la 3DS, je trouve que c'est le fun de même aussi parce que c'est pas long, tu sais. Moi, j'ai même pas aucun jeu physique de la 3DS encore. Okay. J'ai pas Mario, j'ai pas Mario Kart. Je sauvais mon argent pour Cave Story 3D. Ah, mais tu veux, c'est pour ça que tu tripes avec ta 3DS. Ah, je download en fou, moi, là, là-dessus. Moi, justement, là. J'attends des copies physiques de jeux 3DS. Pas moi, je les attends pas. Pas en tout. Il y a rien. Ben là, Kid Icarus, mais sinon, j'ai genre... Shinobi, c'en était un qui m'intéressait. Cave Story, je le veux. Là, je l'ai cherché en fin de semaine. Je l'ai pas trouvé encore. Je suis vraiment déçu. Mais je m'en fous des copies physiques de la 3DS. Moi, je trippe avec les downloads là-dessus. Ouais. Là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. VVV, Mighty Switch Force, là, mon gars, ça m'a tenu occupé, ça. Puis encore aujourd'hui, parce que c'est long, VVV. Là, Mario versus Donkey Kong, Minnie's March Again, joue avec ça tout le temps. T'sais. C'est, ça me plaît. Ce format-là, portable, t'sais, juste du download, ça marche bien. Donc, la Neo Geo Pocket va bien marcher dans mon cas, je pense. Exact. Mais tu penses à, mettons, les copies physiques. Moi, c'est ça, comme toi, j'aime l'objet quand même. Comme, mettons que je. Tu sais, ce qui arrive souvent le soir, tu sais, j'ai comme 3-4 jeux auxquels je joue en même temps, puis là, j'arrive, puis là, je check mes jeux, OK, à quoi je vais jouer. Quand tu t'es déjà dans ta console, on dirait que tu pognes le premier en haut, puis that's it. Mais ce qui est le fun aussi des jeux en téléchargement, c'est que des fois, t'es trop lazy, puis ça te tente pas de te lever de ton sofa, puis là, ça te tente pas d'aller mettre un CD dans la machine. Ouais. Fait que là, tu fais comme, mais je vais jouer à un jeu en téléchargement, puis là, tu pars une game. Surtout que ça part plus rapidement, parce qu'évidemment, il n'y a pas de loading de disque. C'est, c'est un loading de ton disque dur. Ouais. Fait que ça, c'est quand même beaucoup mieux. Fait que, tu sais, moi, je pense que dans le futur, il y a énormément d'avantages à être en téléchargement, mais comme tu dis, l'offre de les fournisseurs d'Internet, tu sais, pour la bande passante, il va falloir que ça soit mieux, là, pour que ça marche ici, tu sais. Non, mais en même temps, tu sais, c'est pas nous autres qui décident, là. Non. Si, un jour, où est-ce que Microsoft et Sony vont dire maintenant, c'est terminé les copies physiques, même si au Québec, la bande passante est pourrie. Va falloir. Mais ils n'auront pas le choix de s'ajuster, je pense, parce que l'industrie du cinéma aussi va changer. Tous ces formats-là vont changer. L'industrie du disque a déjà changé complètement. Moi, des CD, puis j'en achetais des CD, là, beaucoup. Ouais, ouais. Là. Maintenant, j'en achète plus aucun. Non, moi non plus, j'en achète plus. Jamais. Puis, ça ne m'intéresse pas en tout d'aller acheter un CD au magasin. Ça, je suppose que si j'étais collectionneur de CD, exact. J'en connais des collectionneurs de CD. C'est ça que j'allais dire. Moi, j'ai des amis, là, ils trouvent que c'est un crime acheter de la musique en MP3 parce qu'ils se disent, tu sais, tu perds une certaine qualité audio. Y a aussi le fait que, justement, tu n'as pas l'objet, une pochette, c'est une œuvre d'art, puis c'est intéressant à regarder. Ouais. Puis, vu de cet angle-là, je t'avoue que je serais peut-être plus collectionneur de musique que collectionneur de jeux, parce que les jeux, ils se forcent pas souvent pour faire. Moi, je serais collectionneur de vinyle. Je serais pas collectionneur de cassettes de musique ni de CD de musique. Je sais pas, il y a de quoi être pas vrai là-dedans. Là, ouais. Vinyle, ça, je peux le comprendre. Ah ouais, mais, c'est sûr. Le jeu vidéo, il n'y a pas plusieurs formats d'une même chose. Tu comprends? Tu n'as pas comme une copie vinyle, une copie cassette, une copie CD. Maintenant, c'est en CD, c'est la copie CD. Fait qu'au moins, tu n'as pas ce niveau-là. Mais ça prend de la valeur quand même si c'est sur CD. Là. Ah non, c'est sûr. Mais c'est ça, mais tu sais, les copies aussi physiques de jeux vidéo, je trouve qu'il y a souvent peu de travail qui est fait à la pochette. Puis tout ça, tu sais, je me souviens, quand on était jeune, là, ah, c'est cheap, t'ouvrais une pochette, mon gars, là, t'avais tous les personnages, les ennemis, tous dessinés à la main, tu sais, T'avais bien de la pub aussi, hein, genre, abonne-toi Nintendo Power, check les autres shit, voici les jeux qui s'en viennent, tu sais, le dépliant des jeux qui s'en viennent. Ah ouais, il y avait du stock. À ce temps, il n'y a plus ça du tout, là. Mais des c'est maps, ça qui est plate, maintenant, c'est 2-3 pages, puis that's it. Des fois, en c'est noir juste et blanc, puis cheap, puis... Des fois, c'est juste l'avertissement pour te dire, tu sais, si t'es épileptique, joue pas au jeu. That's it. Après ben, ça, t'ouvres la page, puis c'est écrit... Tu sais, t'as la table des matières, puis c'est écrit... T'as comme à peu près 10 sujets, mais il y a 3 pages. Tu sais, je trouve ça poche. Tu sais, t'as rien, tu sais. Ben, je pense que c'est un signe, ça, que ça faiblit, puis ça s'éteint, là, tranquillement. Ça, vraiment, là. À part, sinon, Nintendo. Quand tu achètes un jeu de Wii, tu as ton petit code pour les coins que tu peux aller mettre. Là. Il y a ça. Ça donne un petit feeling. Mais au moins, à cette heure, avec les downloads, ils donnent les goodies aussi. Là. Oui. Ça fait que. Mais, ah non, pour les gens atteints d'une maladie comme moi, on continue avec les copies physiques. Là, mais moi, le download, ça me plaît aussi beaucoup. Là. J'aimerais juste, comme on disait, que ça soit mieux organisé, l'interface. Ouais. Puis c'est sûrement quelque chose qui va arriver un moment donné aussi. Oui. Là. Parce que l'interface de PlayStation 3, il est plate. Là. C'est une bande déroulante vers le bas, dans le fond. That's it. Mais moi, je dirais l'interface. Toi, tu l'aimes pas, cette interface-là. Non, je l'aime pas, cette interface-là. Mais c'est parce que je trouve que ça. Tu sais, j'aime ça quand on te donne le choix. Tu sais, comme là, sur la PS Vita, il change ça. Tu sais, l'interface de la PS Vita est différente. Puis il y a comme des espèces de bulles dedans. Ouais. Puis tu peux déplacer tes affaires comme tu veux. Tu peux placer tes trucs comme tu veux sur ta console, ce qui te permet de personnaliser ta console puis de l'aimer davantage puis de vouloir t'investir dans ta console. Ouais. Là, ce qui est plate, c'est qu'on décide un peu pour toi. Puis, à partir de ce moment-là, toi, il y a certains jeux qui vont prendre le bord juste à cause que tu les vois jamais ou... Tu sais, moi, des fois, j'aimerais ça, là, littéralement, là, j'ouvre ma PS3, là j'ai une grosse TV chez nous. Mm-hmm. Fait que, vu que t'as une console HD, t'as une TV HD, il y a de la place en masse à l'écran. Fait que pourquoi, là, t'aurais pas comme plein d'icônes, là, de tous tes jeux à l'écran, là, puis pouf! Tu passes par-dessus, tu sais. Ah, je suis tout à fait d'accord. Ça quand tu cliques sur tes. T'as un icône jeu, quand tu cliques dessus, il y a un écran qui pop. Puis là, t'as comme tous tes jeux étalés devant toi, là, tu sais. Ça serait pas compliqué de faire ça, tu sais. Ben, en tout cas, là, il est trop tard pour la PlayStation 3 et la Xbox 360, mais. Ah, puis peut-être que ça existe déjà présentement avec la prochaine console qui s'en vient, puis sont comme. Ben, c'est ça. Au moins, sur la Wii, on pouvait le faire. T'sais, tu peux déplacer tes jeux, puis à gauche, à droite. T'sais, sur la 3DS aussi, puis tu peux rapetisser comme l'affichage. T'sais, tu peux avoir, si tu veux, un jeu ou deux par écran, ou tu peux en avoir 20, là, t'sais, parce que tu zoom out, là, dans le fond. Et c'est ça qui est drôle, parce c'est que. C'est le fun. Tu sais, j'ai les trois consoles. Puis mon interface préférée pour ce qui est la plus attirante pour pour me donner le goût de jouer à des jeux, c'est la Wii. Ouais. Puis pourtant, c'est pas ma console préférée, mais tu sais, t'arrives là-dedans, puis c'est des channels, puis c'est des grosses images. Fait que ouais, t'arrives là, puis là, tu vois tes jeux d'attitude. On aime ça quand c'est écrit gros, puis il y a des grosses images. Mais tu sais, c'est parce que les autres consoles essayent tellement d'être un centre multimédia qui va tout faire dans moi, ta là, maison, quasiment l'épicerie. Aucune t'sais. Autre option sur mon PlayStation moi que de jouer à des jeux. Moi je gosse pas dans mes photos, je vais pas sur Internet avec c'est ça, vrai. C'est pénible. Tu sais, je fais juste jouer, là. Mais je sais qu'il y en a bien des gens qui doivent utiliser ça au max puis qui en font justement le ouais. centre de multimédia de la maison et blablabla. Bla, bla. Mais moi, je suppose que je suis trop du cool, là, je sais pas. Mais moi, c'est pas les envie films et les ça. Jeux d'attitude. Ouais, avec le juste les jeux. C'est le fun de pouvoir s'envoyer des courriels ou s'écrire un peu là-dessus, avoir un profil. Non, mais ça va quand même mais ça mal. Ça va mal, tu sais. Fait qu'on n'écrit jamais tant que ça non plus. Non, là. C'est ça. D'ailleurs, c'est ça. Je vais profiter de l'occasion pour lancer un appel à tous. Si vous êtes abonné à ma PS3 ou à ma 360 puis que vous m'envoyez un message, je vous répondrai probablement pas. Pas parce que je veux pas répondre, mais ben oui, un peu là-dessus. Parce que c'est long à écrire ouais, là-dessus. Ouais. C'est long à écrire sur une console, puis moi, j'ai pas acheté les claviers autant pour la 360 que la PS3 parce que j'ai pas acheté une console pour taper dans le chat ou des trucs dans le même, ça m'énerve. T'sais. On a un Facebook, un Twitter, un blog et ça. Des courriels. On a tout en ce masse faut, d'affaires sur lesquelles on tape toute la journée pour faire des messages. Là, pas quand besoin on arrive autre. Le soir et qu'on joue, c'est pour jouer. C'est ça, that's ouais. it. T'sais. Mm. Fait que si vous avez des questions, envoyez-les quand vous voulez là, sur notre Twitter, notre Facebook, mais ou même par courriel, si vous voulez. Ouais, c'est ça. Sauf sur les machines comme ça, taper. Là. Mm. Fait que finalement, si tu avais un choix à faire, toi, physique ou téléchargement? Ah, ben, j'aimerais que ça continue. J'aimerais qu'on continue de pouvoir avoir les deux pour toujours. Non, mais c'est correct. Si en même temps, si un jour, il n'y a plus de copies physiques, ça va mettre un frein au collectionnage de copies physiques. C'est vrai. Ça va me donner un break. Parce que c'est ça, je voulais y revenir vite. C'est bien le fun de garder tes copies physiques comme je le fais, t'sais, en prévision de dans 8 ans, t'sais, ça va être cool. Mais ça prend de la place dans une maison. Là. Ah oui, mais puis, maison. Si le jour vient où est-ce qu'il n'y a plus de copies physiques, au moins je vais savoir que, bon, là, dans ma maison, il ouais. n'y aura pas trois autres consoles de nouveaux jeux qui vont sortir un jour, puis que ça va prendre la place. T'sais. Ah non, c'est sûr. Donc, c'est ça. Ça prend beaucoup de place, les copies physiques, quand tu décides de les garder. Il faut mais, faire du ménage. Mais je pense à ça, justement. Tu parlais de place. Ça me rend triste un peu, par exemple. Là j'ai comme eu un petit pincement en pensant à tous les magasins où ils vendent des jeux vidéo, mm-hmm. de voir ces étagères-là avec, genre, je sais pas moi, des cartes USB ou des, ah. des juste des cartons. Il y en aura plus de magasins. Il n'y en aura plus de magasins, tu sais. À part le mien, Papa Cassette, la boutique sur Sainte-Catherine, où est-ce qu'il va y avoir des copies. J'aimerais ça avoir une boutique de jeux un jour. Mais, non, c'est ça, mais c'est probablement ce qui va arriver dans le fond. Des indépendants comme toi qui vont prendre le... Ils vont prendre le flag puis qu'ils vont faire, ben, garde, moi, j'en ça va de la nostalgie. Physique, ça va ouais. de la nostalgie. Tu peux pas vendre du download, donc voilà, là, il y aura, ça sera pas plus compliqué que ça. Là. Ça va être boutique pour vieux pets. on va tout régler. Les péter dans ma boutique, on va péter ensemble. Ça va être génial, on jouera à Bad Dudes. Héros et vilains. Donc, cette semaine, ça va être un héros. Encore yes. une fois, on a fait Megaman la semaine passée. Les vilains, ça sera pour plus tard. Ouais. Donc, mon héros, c'est Markov. Karnov. On a plus hey, de chances. Pas Markov, là, ça va faire. On va voir Karnov plus souvent que Markov, je pense, cette année, étrangement. Donc, c'est un héros de Data East. Ouais. En fait, tu l'as nommé tantôt. Puis, moi, je l'aime. En plus, tu as fait un petit dessin, étrangement. Ben oui. Un petit doodle de Markov. Oui. De Karnov cette pas semaine. De Markov de Karnov. Puis, je t'en avais même pas parlé que je voulais parler de lui. Non, puis c'est toi, ça. Tu as fait ça drette de même. Là. C'est cool. Puis en plus, on a parlé de Data East cette semaine. On est connecté, man. Hey, on est connecté, ça n'a pas d'allure. Fait que Karnov, c'est un jeu d'arcade à la base qui est arrivé en 1987 par Data East, bien sûr. Oui. Puis c'est un jeu qui a également été porté sur le Commodore 64, le ZX Spectrum, ouais. le NES, et puis il a même eu son petit jeu portable, là, Tiger Electronics. Ouais, mais c'est quoi, oui, je pense? Ben oui, j'ai joué à ça. Ben, et ça les trucs en quartz, un peu comme les Game & Watch? Oui, c'est ça, c'est ah, ça. C'est il y en ça. Avait, il y en avait un de Castlevania ouais. aussi, puis il y en a eu plusieurs, là. Donc, ouais, c'était Tiger. C'est hot, ça, ces affaires-là, hein, j'aimerais savoir ça. Donc, puis c'est ça, ce personnage-là, il est quand même un underdog un peu dans le monde des jeux vidéo, là, tu sais. Il y a pas beaucoup de jeux pour que lui, il a fait, là, mais il est quand même devenu un petit peu par défaut la mascotte de Data East, là, ouais. Vraiment. Donc, son vrai nom à Karnov, c'est Jinborov Karnovsky. Oh, Khalid, j'avais même pas qu'il avait un grand nom. Il y a un vrai nom, j'en apprends moi avec des affaires. Aïe, aïe. C'est le deuxième fils d'un fermier russe, qui est un pauvre fermier russe, tu sais, un gars okay. cassé finalement. Puis, et ça se passe en fait dans le Central Asia, l'Asie centrale. Hey, qu'est-ce qu'il faisait là, Karnov? Ben, je sais pas, mais dans ce qui était, dans le fond, l'Union soviétique avant. Okay. Donc, des fois, il y a des versions de Karnov, comme sur le NES, wow. où est-ce qu'il est vraiment comme blanc avec une grosse moustache, c'est un russe. Oui. Dans d'autres jeux, où est-ce qu'on, je vais en parler tantôt, où est-ce qu'il apparaît, il a plus l'air d'un Bouddha. Ah. En tout cas, il se promène un petit peu entre ces deux univers-là. Là, c'est vraiment dur. C'est vraiment étrange. En tout cas, mais pour revenir au premier jeu, oui. le jeu Karnov, il y a juste un jeu Karnov. Sinon, pour le reste, il a fait des apparitions dans plein d'autres jeux de Data East, en okay. fait. Seulement Data East. Donc, excusez. Karnov a été... c'est un envoyé de Dieu. En fait, ce qu'il a fait, le Karnov, là, vu qu'il était pauvre, puis qu'il était un pauvre fermier qui allait nulle part, il se battait, puis il était vraiment pas fin, c'était un hooligan, là, tu sais. C'était vraiment pas cool. Fait que là, pour le punir, comme Dieu l'a rapatrié, finalement, là, okay. il est devenu le servant de Dieu, tu sais. Il n'avait pas le choix de servir Dieu. Ouais. Puis là, à un moment donné, il y a un evil wizard qui est arrivé sur la Terre. Donc là, Dieu a envoyé Karnov pour battre le evil wizard. N'importe quoi. OK. C'est ça. C'est même ça se passe. Puis, dans le fond, ça, c'est la version arcade que le boss ouais. de fin est un evil wizard. Mais sur la version NES, c'est un dragon à trois têtes qui s'appelle Ryu. Oh! C'est très drôle. Puis Karnov, dans le fond, son main feature à lui, son arme principale, c'est de cracher du feu par la bouche. Ouais. Donc, il y a d'autres. On peut lire aussi que Karnov est un freak show, tu sais, d'un cirque, un cracheur de feu ouais. russe. C'est... Mais ce qui est drôle, c'est qu'il crache du feu, mais il n'y a pas besoin de feu à la base. Il y a déjà ça. Non, c'est tout en lui. Là. Ça brûle tout le temps dans son corps. Là. Ouais. Il y a comme du feu dans le chest. Ouais, il est comme Dalsim. Comme Dalsim, c'est ça. Ouais. Pas besoin de rien. Donc, c'est ça. Karnov, c'est un platformer. T'avances, puis tu tues des ennemis en leur crachant du feu dessus. Et tu collectes aussi des items. Mettons une échelle, tu sais, pour grimper oui. là, sur des plateformes plus hautes, puis toutes sortes d'affaires. Donc, c'est bien basic comme jeu de NES, mais en même temps, ça a été bien populaire. Puis c'est pas mauvais. Moi, je le possède, ce jeu-là. Oui. Puis, il est quand même le fun à jouer aujourd'hui. Toi, t'as rejoué, puis t'avais pas aimé moi, ça. Moi, j'ai... Hey, c'est pas j'ai Mario Bros. 3, là, c'était pas bonne, là. Parce que dans ma tête, Karnov, c'était tellement un grand jeu. Puis là, ouais. j'ai rejoué, je faisais... C'était non, pas ça si fait, grand ça. Non, ça fait ça un peu, quand même, là. Quand tu y retournes, là... C'est ordinaire, tu sais. Oh non, c'est... Surtout avec la musique. Là. Hey, la première track est vraiment cool. Avec sa petite moustache. Puis, tu sais, c'est ça, il est en chest. Puis, il y a des gros pantalons bouffants avec des petits souliers pointus. Ouais. Là. Il est merveilleux. Ben, il est hot. Il est super attachant comme personnage. Ben, il est écœurant. Fait que dans le fond, le jeu de Karnov est assez tordu aussi parce que c'est n'importe quoi, tu sais. Ça se passe en Égypte, ça se passe dans la préhistoire, ça se passe en Grèce, ça se passe à Sorel, ça se passe vraiment partout, là, tu sais. Tu tues des squelettes là, sur des autruches, des statues, tu sais. Il y a un dinosaure, nord. Sa pochette. Il y a un dinosaure, ça, c'est un boss. Les boss sont vraiment okay. tordus aussi. T'as un tyrannosaure, t'as une espèce de vieux bonhomme qui fait prendre une marche à un lion. Puis il le retient, tu sais, pour pas que le lion parte. Étrangement, moi, si je voulais te tuer, je t'enverrais un lion dessus. Ben en ouais, tout cas, le bonhomme, il le retient. Hein. Le lion crache des balles de feu. T'as une woman centipede. À ne pas mélanger avec human centipede. Puis t'as aussi un genre de homme-poisson qui a un petit sac sur le côté, puis il prend des choses dans son sac, puis il te les lance. OK, puis ça, c'est supposé me convaincre que c'est ça, là, vrai, c'est ça vraiment le fun, Bruno. Mais non, mais, tu vois, c'est pour ça aussi que ce personnage-là... Un poisson avec un gros cerf. Non, mais ce personnage-là, il y a un culte aussi. Il y a un culte en arrière de ça, justement, ouais, parce ça. Que c'est tordu, puis c'est n'importe quoi, tu sais. Ben, c'est ça qui le rend attachant, quelque part. C'est ça qui fait le charme du jeu de Karnov. Ouais. Mais S'il est aussi très très populaire, c'est parce qu'il est apparu dans un paquet de jeux de Data East aussi. Ah oui? Fait que, comme par exemple, ben là je vais vous en nommer, il y a beaucoup de jeux que vous aurez pas auxquels vous n'aurez pas joué comme moi. On va y aller avec des affaires bizarres comme ça s'appelle Gario Retsuden à l'arcade. Ça, là, c'est comme Commando. C'est pour ça que j'ai fait un saut tantôt quand t'as parlé de Commando. Comme Commando, mais t'es un genre de gars qui lance des flèches, puis les soldats qui foncent vers toi, c'est des petits Carnov Bouddha. Ah ben, tabarnouche. C'est très bizarre. Il y a d'autres affaires qui te foncent dessus aussi, mais c'est vu de dessus, tu sais, puis t'avances toujours. Ils ont pris l'engin de Commando, puis that's it, ils ont mis des Carnov. Ben, c'est ça. Ils ont pris la machine, puis ils ont changé les personnes, les sprites. Hey, tout se connecte, mon gars. Tout est connecté. Ça continue même, on va trouver une cure contre le cancer. Ben, écoute, il y a aussi un jeu de fighting, Fighter's History, qui est sorti à l'arcade, qui a une version Super NES. Et puis ça, là, c'est identique là, à Street Fighter 2, en fait. Là. Même que Capcom a poursuivi Data East là-dessus. Okay. Parce qu'ils ont dit, écoutez, là, c'est là, vraiment la même chose. Là. Me niaises-tu? Puis moi, je suis allé voir du gameplay, tu sais, puis c'est effectivement là, la même affaire, les cutscenes, tu sais, puis... Ah non, c'est vraiment identique. Okay. Mais finalement, Data East ont gagné la poursuite parce qu'ils ont dit, non, Fighters History, c'est basé sur Karate Champ. Karate Champ, c'est à nous autres, même que c'est sur le bord d'être vous autres qui nous copiez, ça fait que mange de la marde. Donc, ils ont gagné, puis Capcom ont perdu. Puis là-dedans, c'est ça, Carnov est un personnage que tu peux utiliser là, là-dedans dans Fighter's History. Puis il est un petit peu différent. Il est comme plus mince. Puis mettons un petit chapeau sur la tête avec un voile comme quand tu traverses le désert. Ouais. Tu sais, un genre de petit voile en arrière. Fait qu'il y a ça, là. Mais il crache du feu, tu sais. Fait qu'il est comme, il est égyptien, là. Il est pur. Ouais, c'est ça, il est comme plus égyptien, quasiment. Wow! Mais il s'appelle Carnov, tu sais. C'est écrit en haut Carnov, là, vraiment. Ah, il y a un jeune Carnov, finalement. Un jeune Carnov, t'as raison. Il tout le temps sa brosse, Carnov, de vraiment. Ben, brossé, mon gars, avec du feu dans le chest. Puis, vu qu'ils avaient gagné leur poursuite, ben, ils ont même poussé leur luck en faisant Fighters History Dynamite. C'est ridicule, ben c'est l'enfer. C'est Fighters History 2. Mais en Europe, ça s'appelle Carnov's Revenge. Okay. Attention. Puis la pochette est vraiment belle en plus. Oh, oui. T'as comme Carnov en gros, vu de côté, tu sais, puis tous les autres personnages. Donc, ça, c'était à l'arcade, encore une fois. J'ai vu qu'il y avait une version Saturn aussi qui existe. Ah. Donc, ça sera peut-être un achat, un moment donné, si ça coûte pas 1000$. Puis. Là-dedans, le personnage de Carnov, il ressemble beaucoup plus. Là. Il est bedonnant, puis il est gros, puis il crache du feu, tu sais, puis il est vraiment plus ressemblant. Bon. Il a plus l'air de Bouddha qu'un Russe, encore une fois, par exemple. Ben, tous les jeux que je dis... Mais c'est la moustache qui faisait tout le travail. Oui, mais il y en a une moustache encore, mais tu sais, c'est un genre de petit fil de moustache très long, là, très long de chaque côté. Là. Pas une grosse moustache là, bien garnie. Ouais, non, là, ça, c'est plus une moustache de vieux chinois. De vieux chinois, finalement. C'est ça, une moustache de vieux chinois. C'est ça qu'il y a, là, tu sais. C'est quoi ton ethnie, Carnov? Tu sais, dans le fond, c'est... Ah, c'est toutes les ethnies, man! C'est toutes! C'est Dieu! C'est Dieu qui l'envoie, tu sais. Il peut être ce qu'il veut, là, dans le fond. Colin! Il peut même être un boss dans Bad Dudes. Dans le stage 1 de Bad Dudes, à la fin, c'est Carnov. Il y a les pantalons rouges, la bedaine, il y a des bracelets, là, de genre avec des pics, puis il crache du feu. Tu t'en souvenais pas de celle-là? Mais non, mais ce passe-là, là, ça clique. Là. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup. Lui. C'est lui. Puis même, tu vas écouter sur YouTube, là, quand la musique du boss, quand tu bats Carnov, c'est la même que le premier tableau dans Carnov. Ils ont pris un petit, un petit riff, là, puis ils l'ont mis là-dedans, puis ça fait un rappel. Je trouve ça cool, moi. Ouais, ben, c'est fond, cool, ils ont certain, voulu mon maximiser ce personnage-là. Puis... Ah oui. Ça, moi, c'est des affaires de même, ça me ferait vraiment triper. Peut-être qu'au fond, c'est ça. Peut-être que Data East essayait de se monter un espèce de royaume d'icônes comme Nintendo ont fait. Ouais. Ben, il serait bien fou de ne pas le faire. Ça, ils ont essayé avec des vedettes. Là. Mais Capcom aussi fait ça quand même. Ils ont les icônes. T'sais. Ben, ils auraient quand même dû essayer de faire un autre jeu Carnov. Ben oui, c'est pour ça. Lui faisait un deuxième au moins. Enfin, Carnov 2, ça se fait, ça, me semble. D'ailleurs, si le millionnaire qui nous écoutait tantôt nous écoute encore, achète donc Carnov, puis fais donc Carnov 2. Puis appelle-nous, on va te dire comment le faire comme il faut. Parce que ça va être vraiment bon, tu sais. Voyons donc. Mais c'est ça, parce que Carnov aussi, tu sais, c'est un personnage... c'est un bon personnage, mais si tu penses à ce que Data East a fait, T'sais, ils ont pas fait tant d'autres personnages que non. ça qui auraient pu être mis de l'avant. T'sais, ben, ils ont Kid Nicky. Kid Nicky. Mais tu sais, Robocop, c'est pas à eux. T'sais, je veux dire, non, les affaires qui sont sorties de Data East, les deux gars de Bad 12, je sais pas ouais. S'ils ont des noms, tu sais. Ils ont des noms, mais tout le monde s'en souvient plus. C'est les deux de Bad 12. Max, mais c'est ça, Carnov, c'est vraiment le seul personnage reconnaissable qu'ils ont, tu sais. Moi, je pense que c'est son designer qui était trop triste et écœuré que son jeu pogne pas tant que ça. C'est dit de la merde, je le mets dans tous les autres jeux de Data East. Vous avez écouté. C'est clair. Il est cool, mon égyptien, cool. Russe, marocain, asiatique, tu sais. Oh boy. Ben, il y était aussi dans. Il y a d'autres jeux qui étaient dedans. Là. Moi, je finis avec ça parce okay. qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur Carnov à part ça. Non, j'avoue. Mais il a été dans Big Carnac. Carnac! C'est un jeu d'arcade, ça, où est-ce que ça se passe en Égypte? Un gars qui avance avec une épée, puis tu fais du monde. T'sais, c'est vraiment poche. Là, ça a l'air de la mort. Donc, il était okay. un boss là, au début du deuxième tableau. Il y a un jeu d'arcade qui est un grand classique aussi, un culte. Ça s'appelle Tumble Pop. Ah. Connais-tu ça? C'est comme Bubble Bubble ou Snow Brothers, sauf que tu te promènes avec un aspirateur sur le dos. Okay. Et comme tu aspires les monstres là, dans le stage, puis tu les recraches, tu sais, avec ton aspirateur. Okay. Quand il n'y a plus de monstres, ben là, tu montes au niveau supérieur, tu sais. Ah. C'est très semblable à ça. Puis là-dedans, ben, Carnov est là, il fait un personnage, là, un ennemi régulier, là, okay. que t'aspires, puis il crache du feu. Donc ça, c'est vraiment cool. Puis, il y a une version de Tumble Pop au Game Boy. C'est le seul port qu'il y a eu de Tumble Pop. Okay. Puis j'ai comme l'impression que. Ben, j'ai regardé, là, ça a l'air vraiment plat. Mais j'ai pas. Au Game Boy, la version d'arcade a l'air vraiment le fun, ouais. par exemple. Mais au Game Boy, ça a l'air pourri. Mais je vais regarder, là, ça doit valoir une fortune, cette affaire. C'est sûr. Là. Puis il y a un jeu de Neo Geo qui, je sais pas s'il va être sur le Neo Geo Pocket. Ça me surprendrait, ça a l'air de la merde. Ça s'appelle Street Hoop. Puis c'est un jeu de basketball. Mais oui, Street Hoops. Tu connais ça? Oui, oui, certain. Il l'a eu aussi sur. J'ai joué à ça sur Genesis, il me semble, parce que Street Hoops, il y en a eu une coupe. Ah, ben ça se. Ouais, je sais qu'il y a eu un Street Slam aussi, Hoops, oui. là. Ouais. Une affaire de même. Mais c'était comme le. C'était l'espèce de. C'était du basket de rue, là. Ouais. Genre d'NBA Jam, mais dans la rue. Puis ouais, en moins spectaculaire. Ben, comme NBA Street, des trucs comme ça. Ouais, là, c'est ça. Electronic Arts. Ben, c'était du 2 contre 2, là, je pense. 3 contre 3. Ah, 3 contre 3, ouais. c'est ça. Ah, ben, c'est 3. Ça la différence, dans le fond. Très arcade, là. Mm. Ben, là-dedans, Carnov, il est là. Okay. Tu peux pas le prendre pour jouer au basket, malheureusement, mais il est en background. Il a comme les mains dans les poches, là, puis il a ses pantalons rouges, mais il a un chandail quand même. Mais sur son chandail, il y a un gros K. Il est en burn-out, il est comme ben, non, il a de l'air d'un pimp, là, sans doute. Ah pimp, ouais? Là. Il a de l'air de. Wow. Il a vraiment de l'air de. Ouais, il est dans la ruelle. Hey, fait que l'effort était grandiose pour le pousser. Les gars, ils se forçaient pour plugger Carnov dans tous les jeux. Puis dans Joe et Mac Returns au Super NES, qui est le Joe et Mac 1, là, finalement, ça m'a toujours fait penser un peu à Adventure Island. Sauf que. Mais c'était pas si le fun. J'ai l'impression que c'est une version cheap. J'ai jamais joué à Joe et Mac. Moi, j'ai joué dans le temps, mais je m'en souviens pas trop. C'était dans les premiers jeux du Super Nintendo. Oubliable, ça. Où est-ce que. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'on était bien impressionnés, tu sais. Ouais. Mais que finalement, tu te rendrais compte que c'était pourri, ce jeu-là, là, puis le graphisme n'était vraiment pas si hot. Ah. Mais ben c'était pas si pourri. Il me semble que c'était correct, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, jouer à ça, ça serait vraiment dull. Mais le Returns, il est différent parce qu'il est il se passe lui aussi à la Bubble Bubble puis à la Tumble Pop. Okay. Ça se passe tout le temps dans le même écran. Là. Je suppose que tu dois assommer du monde avec une massue. Là. Mais toujours est-il que Carnov est présent là-dedans aussi puis qu'il est un ennemi régulier. Ah. Donc, la version plus récente de Carnov, je pense que ça doit être celle-là. Où est-ce que tu peux le voir? Là, au Super Nintendo, à Fighters History aussi. Là. Si vous voulez voir Carnov, c'est là. Ou sinon, venez chez nous. Ouais, la cassette c'est ça. Est dans mon étagère. Ou sinon, il est peut-être à quelque part dans le centre-ville en train de quêter. Là. Ouais, peut-être. Pauvre Carnov. Avec son gros chandail K. Ouais. Si vous voyez un gars semi-russe, semi-égyptien, semi-chinois, downtown, en grosse bedaine, des avec pantalons un rouges, K sur le chest. Il y a du feu qui coule sur le bord de la bouche. C'est Carnov. Le truc. Donc, moi, mon truc cette semaine pour un jeu nouveau, je parle d'un jeu récent, Batman Arkham City. Mm-hmm. Un excellent jeu. Puis, il y a beaucoup de monde qui sont pas au courant. Je me suis rendu compte de tout ça récemment. Au mois de le 20 décembre 2011, exactement, Rocksteady a envoyé une lettre à leurs fans pour les remercier d'avoir acheté Arkham City. Okay. Puis à ce moment-là, il disait qu'on pouvait télécharger gratuitement un nouveau skin pour Batman, tout simplement pour les remercier de leur fidélité. Okay. Puis en plus de ça, ils se sont dit, ben là, on va vous offrir autre chose. Quand tu télécharges un nouveau skin dans Batman Arkham City, ce qui est plate, c'est que tu dois terminer le jeu pour pouvoir recommencer le jeu avec ce nouveau skin-là. Mais okay, il y a un truc pour pouvoir l'utiliser dès que tu l'achètes. Je trouve ça un peu stupide, ben franchement. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. C'est vraiment une bizarre de décision. Puis je pense qu'ils s'en ont probablement rendu compte eux-mêmes. Fait qu'ils ont fait comme, OK, c'était vraiment un move de cave. Fait qu'on va lui donner un code pour qu'il puisse se débarrer. Fait que le code, c'est celui-ci. Au menu principal, après avoir choisi évidemment votre partie, si vous avez une partie sauvegardée, vous faites gauche, gauche, bas, bas, gauche, gauche, droite, haut, haut, bas. Après ça, vous allez avoir une confirmation audio. Je pense que c'est comme une envolée de chauve-souris. Okay. Puis après ça, tu continues ta partie. Puis, tu vas avoir l'option de sélectionner ton skin favori. Fait que voilà. Ah, donc, ouais. C'est donc bien drôle qu'ils font encore des codes de même de gauche-droite, BA. Oui, ah, ben c'est cool. C'est la nostalgie. Là. Ouais. Le monde ne s'étonne pas. Là. Le code de Konami est resté dans nos cœurs. Là. Ouais. Hey, d'ailleurs, Rocksteady, je sais qu'on est dans la chronique Le Truc, mais cette semaine, il y a eu des énormes rumeurs qui lâchaient pas que le prochain titre allait être Teenage Mutant Ninja Turtle. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Développé par Rocksteady. Fait que quand tu as un bon, que c'est pas une rumeur là. Mais un bon Turtles, moi j'ai joué à Reshelled, j'ai non, trouvé ça mauvais. Un bon Turtles parce que Rocksteady jusqu'à maintenant ils ont pas ils ont juste des bons jeux. Pas de faiblesse, ils ont juste du bon stock. C'est comme WayForward. Ouais, ok. Tu sais, c'est un développeur solide. Là. Tu sais que si eux autres sortent de quoi, ça va être de la bombe. Fait c'est que... qui genre le gros jeu à eux autres là? C'est Batman. Batman, ouais. ça serait les plus gros un jeux qu'on fait, t'sais. Hey, en Batman, là, comme ça, là, aussi puissant, aussi ben, profond. Tu parles des designs de Eastman and Laird, puis t'en fais un petit peu plus dark, là. Paf, hey. Tu l'as, t'sais. Eh hey boy, oui. Mais hein, puis t'sais, on a, en tout cas, je sais pas pour vous autres, mais nous autres, on adore les Turtles. Je sais pas pour toi, non, mais moi, je triple là-dessus solide. D'ailleurs, j'ai mis une joke aujourd'hui sur retronouveau.ca de Raphaël. C'est quoi l'affaire? Je pensais, genre, son créateur est mort, son dessinateur non, est mort. Non, c'est ça. Hein? C'est juste un gars qui a décidé de faire cette mise en scène-là. Okay. Tu vois comme une espèce de tu vois une bouche d'égout. Puis là, tu vois des petits rubans contre la bouche d'égout. Puis ça fait une boîte de pizza Raphaël à moitié vide mort, avec des là, chandelles. Désolé, Raphaël. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon truc de la semaine. Qui est, dans le fond, c'est un truc. Écoute, si t'as acheté des skins. Ah, c'est un truc. T'es frustré. C'est un truc. C'est bon. Moi, je vous transporte loin en arrière avec un jeu de Square. Yes. Et ce n'est pas un RPG, mesdames et messieurs. C'est un jeu de course. C'est Rad Racer sur le Nintendo. C'est un jeu qui se fait bien, mais qui peut... C'est pas facile non plus. C'est pas facile, Rad Racer. Donc, je vais vous donner un stage select. Oh! Si vous voulez vous essayer sur la dernière piste. Ce qu'il faut faire, c'est que pendant que t'es... Attends un peu. C'est quand donc ça se passe? Pendant que tu sélectionnes ton char, tu payes sur B le nombre de fois moins 1 comme le tableau que tu veux aller. Tu veux aller dans le quatrième tableau, tu payes sur B 3 fois. OK. Tu comprends? Puis tu payes sur B 3 fois, après tu tiens en haut et en diagonale par en... comment dire? En diagonale... Ouais, en diagonale. À droite, en haut, dans diagonale le fond. Diagonale à droite. En haut puis à droite en même temps, là. OK. Puis A, puis après tu payes sur Start. Donc, tu payes sur... Non, mais compliqué, ce code-là. Ben, c'est con, hein? C'est compliqué à expliquer, mais c'est pas compliqué à faire. Mais là, si je comprends bien, attends une minute. Attends, on recommence. Tu dis, pour aller au troisième tableau, trois fois sur B, après ça, en haut puis à droite, donc diagonale, puis après ça, tu payes sur A. Là, c'est tu es dans ton ça. Tableau. OK. Mais attends, je me trompe. C'est pas pendant qu'on sélectionne le char, je pense que c'est pendant que la piste, elle roule, là, au début. OK. Ah, man, c'est donc bien con. En plus, je l'ai essayé chez lui. Il y a qui est en tabarnak contre comment tu dis? Il y a un gars qui essaye de jouer à Rad Racer qui est en tabarnak contre toi. Non, attends, je suis pas mal sûr que je l'ai fait. Fuck, donne-lui le code! Donne-lui comme faux le code, Chris, vous donnez pas. Non, non, non. OK, pendant que tu choisis ton char, tu payes sur B le nombre de fois moins 1 pour aller dans le stage que tu veux. Tu vas aller au stage 4, tu fais 1, 2, 3 fois B. Après ça, tu fais en haut à droite A que tu tiens et puis tu payes sur Start. Et puis là, tu vas te transporter okay, comme par magie. Tu maintiens en haut. OK. Oui. Bon. Puis après ça, là, tu es rendu dans ta piste, c'est beau, tu seras pas capable de la passer parce que tu as essayé la dernière et tu n'es pas bon. Si tu veux recommencer à cette piste-là, tu fais comme à Mario Bros. Tu gardes, quand tu es game over, tu gardes ton doigt sur A et okay. tu payes sur Start. Okay. Tu vas recommencer à la même piste. Oh. Ça, là, c'est un truc que moi, j'ai découvert seul dans le temps. Puis. Parce que j'avais joué à Mario Bros, puis je savais que ça se faisait. Tu es un vrai génie. Ben, j'ai juste essayé, là, tu sais, puis ça a marché, tu sais. C'est vraiment drôle. Aïe, fait que ça marche, là. Le truc de Mario Bros à Rad Racer, tu recommences tout le temps la même piste. Ce qui est quand même bien, là. Si tu dis un jour, si tu te crains que tu dis, je passe ce jeu-là à soir, c'est quand même pas si long, mais que ça donne que tu meurs dans une piste, tu repars pas du début, tu sais, tu continues ton chemin. C'est cool, ça. Surtout qu'on s'entend quand même, les pistes de Rad Racer, c'est du pareil au même, là. La couleur change, juste mais là, ça ressemble pas mal à la même affaire. Ben, tu peux jouer en 3D, là, si ça te tente. D'ailleurs, moi, j'ai pas mes lunettes bleues et rouges pour jouer en 3D, malheureusement. C'est vrai, on pouvait jouer en 3D ça. Ouais. Faudrait que j'en trouve, là. Ça doit être faisable assez facilement, ça. Aïe, ben non, mais sinon, t'en fais, là. Nacetat 2, Nacetat rouge. Ça marcherait, tu penses? Ça marche. OK. Bon, ben, je vais essayer ça. Si je n'ai pas le retour la semaine prochaine, c'est parce que j'ai une seizure. Puis que je suis à l'hôpital. Ça fait dans ma tête, puis que je suis mort. Hey, tes lunettes en acétate. L'acétate m'a tué. Poursuis au maire de serre. Vos acétates du démon m'ont tué à Radresseur. Le jeu souvenir. Donc, cette semaine, on a une nouvelle chronique pour vous. C'est le jeu souvenir. Oh oui. Puis, le jeu souvenir cette semaine a ça été choisi par Dom. Oui, ça porte le nom d'une épicerie. On laisse deviner laquelle. C'est pas Provigo Racer ou bien Gotham Metro City, tu sais. Non, c'est Super C. Pour Super Carnaval. J'ai jamais cliqué, c'est vrai. Non, t'as jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à ça. Ben, tu viens de me faire cliquer. En plus, je l'ai écrit sur ma feuille, Super C. J'ai jamais. Toi, tu dis, ah, Chris, après le podcast, faut que j'aille au Super C en plus. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Je l'ai pas écrit. Aïe, aïe. C'était écœurant. Ah, c'est super. Hey, c'est donc, merveilleux. Wow. Super C pour Super Contrat. Oui. Parce que je sais pas pourquoi, ils n'ont pas appelé ça Contrat 2, hein. Je sais pas, mais c'est parce que dans ce temps-là, tu sais, tu mettais Super en avant de quelque chose, puis c'était génial, là, comme tous les jeux de Super Nintendo. Oh ouais, c'est clair. Que Super en avant, mon gars, t'es en business. Là. Ben là, ils font pareil, là, avec la 3D, Star Fox 3D, chose 3D, chose HD, ouais, chose ça, 64, Ogre Battle 64, tu sais. Mais en tout cas, revenons-en à Super Contra. Super Contra, Krim. Comment t'aurais, tu sais, après avoir joué à Contra 1, là, toi, dans le fond, là, comment t'as réagi en jouant à Contra 2? As-tu aimé ça? T'as-tu été déçu? Ben j'avais l'impression que c'était pas mal le même jeu, fait que j'ai aimé ça, tu sais, je suis embarqué tout de suite, puis le truc des 30 vies fonctionnait encore. Non, c'est un truc des 10 vies. C'est un truc des 10 vies, c'est vrai, tu le faisais, puis t'avais 10 vies. Puis là, c'est complètement le contraire, parce que le truc des 30, c'est en haut, en bas, gauche, droite, BA. Là, c'est en bas, en haut, droite, gauche, AB, tu sais. Ah! Oh! Ouais, c'est le contraire. Salaud! Mais c'est ça, ça fait longtemps, je me souviens plus pas en tout de ça. Puis c'est vrai, t'avais rien que 10 vies quand tu T'en avais juste 10. Puis au début, c'était pas assez. Il est plus dur. Moi, j'ai trouvé plus dur que Contra. Plus dur que le trou. Moi, j'ai tellement joué à Contra le premier. Là, mon record, c'est de le passer en perdant juste une vie. Okay. Puis, mais Super Contra, puis je l'ai, puis j'essaie de jouer sans le truc des vies. Je suis capable, je finis par y arriver, mais au bout là, du bout là, de mes continues. Là, là. Surtout vers la fin, il y a comme un stage que tu te vois de dessus. D'ailleurs, ça, c'est une... ben, y en avait aussi des stages qu'on se voyait. Oui. dans l'arrière un peu, là, en third person, là, si on peut dire, là, dans Contra 1, les bases. Il y en avait-tu dans le 2? Je suis pas sûr qu'il y en avait dans le 2. Dans le 2, t'étais complètement dessus, puis t'avançais comme un commando. C'est ça, that's it. D'ailleurs, moi, je me souviens de ces tableaux-là, puis j'aimais vraiment pas ça. Moi non plus, parce que c'était pas ça, vraiment dur. Contrôlait mal, puis tu pouvais pas barrer ton personnage pour qu'il tire juste à gauche ou à droite, tu sais, fait que... Ça allait super mal. J'ai vraiment pas aimé. Puis en plus de ça, ces tableaux-là, ben en tout cas, le deuxième était vraiment générique. L'autre, après, à la fin, quand t'es dans les lions, c'est vraiment cool, là, ouais. Avec les espèces de bouches qui sortent bouche du plancher. Là. Ben, ouais. Il est dur, celui-là, à un moment donné. Il est vraiment tough. Ça t'attaque de tous les bords. Ça tire de partout, ça lance des espèces de boules piquantes, à gauche puis à droite, des espèces d'ossements. Puis quand tu joues à deux, c'est paniquant, là, ouais. Parce que là, t'as pas le temps de niaiser. Là. C'est « Ah ouais, viens-t'en! » Parce que c'est synchronisé. Ouais, c'est quand les boules t'attaquent de gauche à droite, c'est « OK! » Go, on y va là. Ouais, c'est puis ça. Là, c'est ah merde, t'es pas parti en même temps que moi. Là, il y a comme un petit jeu entre les deux bonhommes. Il y en a un plus en avant que l'autre. Fait que là, c'est clair que lui en arrière, il meurt. T'sais. Puis si lui en avant, il arrête pour attendre l'autre, t'sais, il est mort. T'sais, c'est avec ses. C'est chiant. Là. Puis tu peux pas tuer les affaires qui arrivent. Il y en a trop. T'sais. Donc, non, c'est ça. C'est la mort assurée. Là. Quand t'es avec un chum, tu veux tout le temps l'aider un peu. Tu te dis ah, correct, tu prends le prochain power-up. Puis des fois, c'est comme rushant de laisser le prochain power-up à un chum parce qu'il est trop. Il est trop nul. Trop lent. T'sais. Ouais, c'est ça. Là, il arrive pas, puis t'es comme ah, Colin, ça va donc bien mal. Moi, l'affaire aussi que j'ai remarqué, mais c'est ça rapport à Contra, en gros, que je trouve hilarant, là. Les ennemis explosent quand t'es, tu sais. Ah ouais, ça, c'est pas pire, ça. C'est quelque chose pareil. Je veux dire, tu sais, il y a pas de sang, rien, il tombe pas à terre, il explose. Ouais, en ouais, sautant, ouais. Genre de comme oui, puis il explose, tu sais. C'est vraiment bizarre. J'ai jamais trop compris cette décision. Ah, peut-être que c'était des semi-robots, je sais pas quoi. Nous autres, quand on meurt, on tombe à terre, par exemple. Je pensais que c'était des robots, mais c'est pas des robots. Dans le premier, non. Par exemple, c'est le Red Falcon. C'est des ennemis. Mais après ça, ça devient des aliens. Quand tu regardes Super C, là, tu regardes les... Ça en vient pas, quoi. Quand tu regardes la pochette et les illustrations de concept, c'est vraiment c'est des soldats. Oui, il y a des soldats au travail. Mais ça pourrait être des cyborgs. Ouais, on sait. C'est comme des humains robots, ça. Ça existe. Non, ben ça commence, c'est l'armée, puis après ça, ça devient les extraterrestres. Ouais. C'est une transition que je trouve vraiment weird parce qu'il t'explique absolument rien quand tu commences à jouer au jeu. Non. Là, tu commences, tu joues, t'es contre l'armée un peu. T'arrives à la fin du premier tableau, il y a une grosse hélicoptère dans les airs, puis là, tu détruis les canons, puis là, il y a une espèce de d'œil bizarre qui sort de la... Ouais. De la... Le point faible, là, le corps. Oui, puis là, ça sort de... Tu sais, tu te dis, voyons donc, ils ont-tu un rapport avec les aliens? Mais non, pas vraiment. Puis à un moment donné, tu tombes juste dans le tableau des aliens, comme ça. Il n'y a pas eu de transfert nulle part, il n'y a pas eu de mutant. C'est un heureux mélange. Oui, c'est ça. c'est juste comme une décision, paf, on y va. T'sais. Mais quand tu joues au Contra contemporain, tu sais, il recule, on dirait jamais aussi loin. Le plus loin qu'il recule, c'est Aliens Wars, le gars Contra 3 au Super NES qui explique, là, OK, là, ils sont arrivés à ce moment-là, puis là, c'est des parfums hardcore, c'est ça, tu sais. Mais ils reviennent pas avec le Red Falcon, me semble, là, du premier, tu sais, puis le monde en rouge, tu sais, ça, c'était une autre menace dans ce temps-là. Le troisième, c'était malade, là, c'était apocalyptique, là, mais... Mais là, on n'en parle pas, parce qu'on parle pas de Super, tout, là, on s'échappe mais pas. Mais moi, quand j'ai joué à ça la première fois, la musique, déjà, était différente. Ça paraissait que c'était un jeu plus récent. Il y avait comme un autre niveau dans la musique, là, comme un layer de plus. Il y avait souvent des... Ouais. Des mais c'était plus intense aussi, plus c'était les mêmes jingles quand tu meurs. Puis là, ça, tu sais, ils ont c'était plus violent, je trouve. Ouais. Puis c'était rapide aussi, on dirait, quand tu commençais, tu drops de l'hélicoptère, puis t'arrives là, puis la musique, là, puis l'action, puis ça te tire dessus. Ça, c'était bien intense, là, tu sais. Oui. Tous les tableaux sont très intenses, là, d'ailleurs. C'est vraiment. Moi, c'est un de mes plus toughs, puis... Justement, en parlant d'affaires dures, là, il y en avait un que c'est d'après moi un des. Parce que je suis allé revoir Super Contra. Pas dire Super C parce que ça me fait trop rire. Il y a un des boss les plus stupides là-dedans. C'est l'araignée. Comme une espèce d'araignée robotique qui avance vers toi. Qui c'est le boss une espèce de ça. Spread gun. Non, c'est pas ça là que je parle. Il y en a un. Ok, à un moment donné. Puis il y a un spread là qui te tire. Ouais, il y a un spread là, puis là tu te penches. Mais il est pas si facile par exemple. Tu sautes dessus. Ouais. Là t'attends qu'il tire. Ok, vas-y. Tu redescends, tu tires dessus. Il est comme vraiment niaiseux. Mais d'ailleurs, à propos de ça, ce que je trouvais cool là-dedans, puis je pense que c'était pas mal une première pour les jeux de Contra, c'est que il y avait un deuxième boss, tu sais, ouais. T'avais un mini boss. Ouais. Là tu le finissais, tu faisais comme facile dans le, ouais. Tu sais, dans le. Ben il y en avait un à contre un dans le dernier stage. Ouais. Tu sais là l'espèce de grosse bouche là. Oui, au début, oui, là. Oui, oui, oui. Il y avait lui. Puis, c'est ça. Je pense que peut-être qu'ils ont pogné le beat, là, ils se sont dit, hey, c'était pas pire ça, un stage, là, tu sais. Ben, je trouve ça cool, moi, tu sais, c'est... Mais il y avait de la musique de boss aussi. Oui. Parce que l'araignée, là, elle avait une musique... Oh, oui, oui. Mais c'est ça, t'avais l'impression que c'était ça, là. Ça, c'était cool quand t'arrivais, ouais. Là, puis que la musique changeait, là, ça rajoutait un élément de stress. Oh, oui. Ouais. Ah, puis t'étais stressé en masse là-dedans. Ouais. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je trouvais que... Il y avait une passe frustrante qui m'est restée ancrée, là, surtout quand on jouait à deux. Mm-hmm. Il y a une passe vers la fin dans le tableau des Yuns où le plafond te tombe sur la tête. Ah oui, il t'écrase. Ah, oui, ah, oui. Puis là, au début, tu sais, t'es juste, t'es sur une plateforme super longue. Fait que là, tu fais comme, mais rien là, ça enlève aucune difficulté parce que de toute façon, il descend, mais il t'écrase pas. Mm-hmm. Sauf qu'après ça, faut que tu sautes sur des petits bouts. Ah oui, oui. Puis là, il y a des bébés qui apparaissent pendant ce temps-là. Oui. Puis là, ce que ça te prend, là, c'est le fire. Il donne le fire, le ouais. Fire gun pas loin, juste avant. Comme ça, quand la balle du fire, elle frappe le mur, elle explose en quatre. Ouais. Donc, ça fait un radius qui touche ces bébites-là. Mais si t'as ton pea shooter, là, la balle, elle rentre dans le mur. Puis il te fonce dedans. Fait qu'il te fonce dedans. Mais ce qu'il y a d'étrange aussi, c'est que normalement, quand tu sautes, t'as une certaine hauteur. Tu sautes en hauteur. Mais quand le mur est bas et que tu sautes, tête dans le mur, tu vas pas comme hey, péter la tête et tomber tout de suite dans le trou. Tu vas comme rouler sur le top du plafond. Ah ouais, je me comme si pas tu de faisais ça. Ta vraie longueur de saut normal, sauf que tu vas la faire en restant à côté dans le plafond. C'est une façon de s'en sortir, ça, puis de continuer wow. à aller vite. Il faut pas que tu le fasses pendant que le mur descend, par exemple, parce que si le mur descend puis que tu sautes, il te kick vers le bas. Okay. Et si le mur il est fini de descendre, là, tu peux sauter puis tu vas comme rouler sur le plafond. Aïe, ah, yeah, j'avais fait pas remarqué ça. Ouais, ouais, ça marche. Là. C'est une façon de s'en sortir. Là, mais c'est pas, t'sais, parce que c'est pas logique du tout, en fait. Donc, le monde n'a pas tendance pas, à l'essayer. Là, mais moi, je dois l'avoir essayé un moment donné en belle panique. Non, ouais, non, c'est non. Ça. Non, non, non. Mais ça marche, donc c'est un truc. Mais le boss de fin aussi, à super tellement facile. Tellement weird, mon gars. Il est tellement facile, ma sœur. Bibit weird avec une tête de déesse grecque. Ouais, ouais, il est ouais. Super facile. Un paquet, puis ça marche, là. Puis ils la reprennent aussi dans contre 3, tu sais, mais elle est super facile, là, ouais. Vraiment. C'est un peu décevant, là. C'est le monstre le plus facile du jeu, me semble, là. Ça, j'ai trouvé mais ça un petit peu plat. Je pense que c'est quasiment la faiblesse du jeu parce que les boss n'étaient pas si tough que ça. C'était surtout les tableaux comme ouais. tels qui n'étaient pas évidents, là, surtout vers la fin avec les petits, justement, là, ceux-là que tu parlais tantôt, les petits maudits aliens là, qui courent et qui te sautent d'en face. Là, ouais, quand ouais, tu as ouais. ton pea shooter, ça ne sert absolument à rien. T'sais. Absolument. Ça, c'était tough, mais. Il y avait un boss qui était cool aussi. C'était un espèce de truc accroché au plafond qui va de gauche à droite puis qui te oui. lance des lasers. Oui. Il te lance, ça descend, ching, ching, ching, comme un après l'autre. Là. Oui. Fait qu'il fallait que tu apprennes le pattern un peu. Tu tires, puis après ça, OK, là, il va tirer, j'ai pété le canon, je peux aller dans ce trou-là. T'as encore une affaire de pattern, là, mais. Mais c'était beau, c'était des beaux boss là quand ah, même. Ah, c'était des beaux boss, mais tu sais c'est ça, c'était on venait de finir contre un fait que la barre était haute, tu sais. Je trouve que c'est un bon haute. Jeu et ça se ressemble beaucoup, tu sais. Ouais. Mais c'est bien la ils musique. Ils ont joué safe. Ils ont joué safe puis ça a marché quand même. Ah ouais, ça a marché en masse. Là. Mais la fin est décevante aussi encore une fois là, il se passe rien. Ben ça finit, il se passe rien, tu vois juste un hélicoptère puis hey, spoiler. Man! Mais là! Il n'y a jamais rien à voir à la fin des jeux de NES. Ouais, c'est ça. L'hélicoptère avec le. Qui s'en va avec le. Voyons. Comment est-ce qu'on appelle ça? Générique, là. Avec le générique, là. Le monde qui a fait le jeu, tu sais. Vu que c'est super assez, ça aurait pu être aussi Ginette Bérubé qui fait son épicerie. C'est les Frosted ça, il aurait pu Flakes en spécial. Des photos de gens qui consultent les circulaires. En 8 bits. Ah, mais tu sais, si on était millionnaire, dans le fond, là, puis on rappellera le gars encore s'il ouais. veut un autre projet, là, on pourrait s'en faire un Super C thématique contre ça serait carrément ça. Serait génial. Ouais, moi je veux que c'est ça. Toi le riche qui nous écoute. On a d'autres projets. Non, on a d'autres projets. Un projet de Super C, mais là, l'épicerie. En 8 bits. Sur cassette de Nintendo pourrait être encore moins facile ouais, à, ça serait, dans le fond, à pénétrer le marché. Il y aurait des cassettes de Nintendo d'un racking, là, dans ouais. le fond. Puis il y aurait des spéciaux, tu sais. Ouais. Ah, c'est de même que je vais l'appeler ma boutique de jeux. Super C. Donc, c'est terminé pour ce 19e épisode de Rétro Nouveau. Et puis là, je regarde le timer et puis je me rends compte qu'on est rendu quasiment à 2 heures. Wow. Alors, il y a de la scrap au travers de ça. Puis on avait dit la semaine passée qu'on allait essayer de rapetisser les épisodes. Mais tantôt, on a décidé on the spot qu'on s'en foutait. On a arrêté d'essayer de contrôler la longueur. Parce que nous autres, on trippe, tu sais, à parler de jeu. Puis ça coule tout seul. Là, non, parce que je m'aperçois aussi, c'est que, tu sais, on panique bien gros sur le timing. Mais au final, le monde en veut comme plus, tu sais. Ouais, on a eu ces commentaires. Là aussi, tu sais, ça fait que. Fait que, tu sais, si vous en voulez plus, ben tant mieux. On y va au feeling, tu sais, vraiment. Il y a des épisodes qui peuvent durer 2 heures, d'autres qui dureront 1 heure, je sais pas, mais en fond, on a décidé qu'on allait arrêter de se stresser avec ça. Ouais, exact. Puis on va le faire comme on le sent. Ouais, c'est sûr. Mm. Puis moi, j'aimerais dire merci spécial à Shelly Sauvé-Castonguay. Eh hey, oui, elle est tellement cool, plus. Là. Tout ça, a fait nos voix. Ça rajoute un peu de sexy hein, dans l'épisode. Ben oui, là, ça rajoute du sexiness. C'est bien d'avoir une belle voix de femme. Là, ouais, ouais. Shelly a une très belle voix. Donc, un gros merci énorme, Shelly. Je suis sûr que tous nos auditeurs vont apprécier énormément. Ah oui, ils vont apprécier d'avoir une belle voix comme ça. Merci, t'es vraiment, vraiment cool. Great. Fait que c'est ça. Donc, en conclusion, je sais pas si t'as d'autres choses à ajouter. Ben, 20e épisode la semaine prochaine. Ouais, oh, c'est le 20e! Hey! On fait rien de spécial. On a bien des plans, mais ça sera pour plus tard. Ouais, c'est ça. Ben, au pire, on fera peut-être comme à l'épisode de Noël, puis on va manger des chips dans nos micros. Ah ouais, on pourrait aller manger des chips dans nos bons micros. Ça va être ça serait intense. Hein? Le son va être crisp. Bon, ben merci tout le monde. Ben merci. On se revoit dans le 20e. Yes.